Bonjour, it is I, Kevin Smith, man, and I'm here on behalf of Florent. Do I love Floodcast? We, as they say. Thank you for bringing your mouth to the world. Thank you for using your mouth on the rest of the world, man. We need more of that. Communication, talking, and you're doing it with Floodcast. Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast, premier épisode post-confinement. Et le 14e. Et évidemment, par la même occasion. Merci beaucoup à tous les invités qui sont autour de la table d'être venus. Je vais vous présenter. J'ai changé cette petite habitude parce que j'ai reçu des messages, des gens qui disent mais des fois ça met la pression aux gens de se présenter, qu'est-ce qu'on dit. Et puis il y a toujours un peu le même, les gens font tout le temps le même truc, genre bah je sais pas, un peu auteur, un peu machin. Donc je vais vous présenter. J'ai décidé de petite folie post-confinement. Je me suis beaucoup remis en question pendant ce confinement. Mais c'est bien. Donc maintenant, pardon. Enfin, je veux dire, c'est bien. Ça fait toujours du bien. Qui t'invite ? C'est vrai. Donc, ma première invitée, elle est comédienne, auteure, réalisatrice et même danseuse. J'ai appris ça sur le Wikipédia. Et elle a l'air surpris. On a pu la voir dans Good Monique, dans le Latte Show. Elle a créé sa chaîne le jour de la découverte du boson de Higgs. Je ne sais pas si tu es écoutant. Bah, t'as créé ta chaîne YouTube. Je suis bloquée sur le danseuse, là, encore. Bah, apparemment, t'es danseuse, ni plus ni moins. D'accord. Tu es danseuse, en fait. Écoute-moi bien. Ouais. Tu t'appelles bien Marie Pietragala, c'est ça. Elle nous dira ce que ça fait d'être née le même jour que Camaro. Ça, je sais pas ce que quand tu es née, mais bien sûr. Il s'agit de Marjorie Lenoir. Ouais. Ah non, je suis auto. Si tu peux, t'as le droit. Ah, ouais. Si t'as le droit. Il est acteur, auteur, réalisateur, stand-upper. Gus est sa série sur YouTube. Fantasia Story, c'est sa série audio. On a pu le voir dans le Whoop Gang, dans lequel il demandait régulièrement à Denis de se calmer. Il nous dira pourquoi ça n'a pas marché, vu que Denis est fiché S maintenant, on peut le dire ici. Il s'agit de Jérémy Detlo. Yes. Bravo. Vous le connaissez sûrement pour son rôle de Mouette Fayotte dans Bob l'éponge le film. C'est pour ça qu'il est le plus connu. C'est aussi un auteur, réalisateur et comédien sur des courts-métrages, mais aussi des jeux vidéo, de la BD, de la série animée. Il a même maintenant une émission qui s'intitule 301 vues. Il nous dira ce que ça fait d'avoir plus de gens qui ont vu sa vidéo sur la Wii U qu'il n'y a eu d'acheteurs de la Wii U. Je sais pas ce qui est au courant. C'est un vrai chiffre. C'est toi qui avais balancé. Non, je sais plus, il y avait quelqu'un sur Twitter qui avait mis ça. C'est un vrai chiffre. Il faut savoir que ma vidéo est gratuite, donc je pense qu'il y a quand même un différentiel à ça. Il y a peut-être un petit lien, il s'agit de Cyprien Gueux. Merci. Comédienne du web depuis maintenant une véritable décennie chez Golden Moustache ou Le Visiteur du Futur, elle a fait du théâtre avec Josiane Balasco, du cinéma avec Nicky Larson. À la télé, on l'a vu dans Peur sur le lac, elle vient de terminer son premier court-métrage. C'est ton premier ou pas d'ailleurs? Pas tout à fait. Pas tout à fait, t'as fait des. Voilà, mais c'est un court-métrage destiné à des festivals. Tout à fait. On peut le dire. Oui. Donc elle est scénariste et réalisatrice. Elle nous dira si son personnage de scène de ménage finira par tuer Huguette pour se taper Raymond dans la prochaine saison. Il s'agit de Justine Le Potier. Et comme à l'accoutumée, je suis avec le Streamlord, le pape du rire, le fort de Brégançon de la moustache, la roche de solutré du podcast. Il nous dira comment se passe sa relation avec Jeff Bezos, maintenant qu'il est Streamlord. Un frérot. Il s'agit d'Adrien Meillet. Bon, merci beaucoup. C'est pas mal la présentation. Franchement, c'est très bien. Mais en fait, en écrire une pour moi à chaque émission, ça va être. C'est peut-être ce qui m'excite le plus dans ma vie en 2020. C'est vrai qu'il y avait ce truc un petit peu au début, à chaque fois, au début des émissions, tu écoutes les gens qui font je suis un peu ci, un peu ça. C'est ça, il y a toujours une petite gêne. J'avais l'impression que ça va me manquer. Ça va me manquer quand je vais écouter les prochains. Bah, voilà, on évolue. Ni plus ni moins, on évolue. Et d'ailleurs. On peut se représenter peut-être. Moi, je suis Marjorie. Un peu danseuse. Alors, j'ai vu que tu étais danseuse. Apparemment, ça vient d'une interview que tu as fait dans un studio son avec un gars. Je sais pas ce que c'est une interview. Et t'as crié, je suis danseuse! Wikipédia. J'étais complètement. Et on te demande si tu étais un instrument. Et tu dis, je serais des chaussons de danse car je suis danseuse. Non, pas du tout, j'ai pas fait. Je fais de la danse. Lance l'extrait. Ah non, alors je me souviens parce que je regarde mes propres interviews tous les soirs. Non, je faisais de la danse à l'époque, c'est vrai, quand j'ai dit ça. Bon, bah, t'es danseuse. Mais en fait, plus du tout, je fais du patin maintenant. Ah bah, c'est vrai que tu fais du patin. Je vais actualiser ça sur Wikipédia de ce pas. Tu es patineuse. Et alors, les nouveautés continuent parce que je vous le dis comme je le pense, j'ai une boîte à son. Et je ne vais pas du tout en abuser, bien évidemment. Un petit peu. Non, peut-être. Ça n'a pas marché. Non. Voilà, c'est Michel Sardou qui dit non. Et j'ai aussi un jingle pour la rubrique des actualités. La France. Alors, les actualités bien pété Nice là. C'est ouais. Pile le bon timing. Oh, je remercie d'ailleurs la personne qui l'a composé, mais qui ne veut pas qu'on dise son nom apparemment, mais effectivement qui est pétainiste depuis plus d'un an. Le jeu de l'actualité, alors ça n'a pas bougé. Vous connaissez ce jeu. Je vais vous poser des questions sur une actualité un peu insolite, un peu à côté, dirons-nous. Un nouveau service de VOD va démarrer en Italie. Selon vous, que va-t-il proposer? Porno. Ça sort vraiment. C'est le fondement d'Internet. Vraiment. Des séries pour animaux? Non. Est-ce que c'est de l'animation ou c'est du vrai humain? Non, c'est du vrai humain. C'est du vrai humain, mais en fait, c'est des films, des séries, mais basés sur un thème très précis. Les pizzas. Oh wow, mec. Tu veux que je remette le jingle? Ah, le COVID. Le COVID. C'est en italien. Ça n'a pas lié au COVID. Mais en vérité, Italie. Malgré la réponse excessivement raciste d'Adrien, pensez Italie. Italie. Série autour. Mais non, c'est pas une série autour des pâtes. C'est culinaire ou pas? Pas autour des gens qui mentent, bon, Jérémy. C'est pas culinaire. Football. C'est pas culinaire. Non, pas football. Uniquement LGBTQ? Non. Des Italiens, Marjo. Berlusconi. Oui, aucun rapport. Uniquement basé sur Berlusconi? Non. Pas, uniquement des blancs? Non. 100% blanc? Non, ça existe blanc déjà. Blanc TV. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est tout. C'est le Golden Moustache. Est-ce que c'est autour d'une célébrité ou un truc comme ça? Alors, pas d'une célébrité. Même si le truc que vous cherchez, il y a eu une très grosse célébrité. Mais je vais vous perdre un peu. Ah, c'est sur la K-pop? Mais non, rien à voir avec l'Italie, putain, en fait. J'ai aucune culture sur l'Italie, quoi. La K-pop créée en Italie, tout le temps, tous ces Italiens. C'est dans le nom, car Italie. Attends, j'ai pas compris l'indice que tu as dit. C'était pas vraiment un indice, en vrai. Il y a eu Berlusconi, c'était ça? Non, c'était pas Berlusconi. C'est autour de la musique? Non, pas du tout de la musique. C'est autour d'une célébrité? Oui, une très c'est très une grosse réalité. Le pape. Oh, oh. Sur Cato, c'est un truc Cato. Voilà, je l'accorde un peu c'est conjointement à Adrien et Justine, effectivement. Il s'agit d'un site unique, d'un service de VOD, pardon, uniquement basé sur les catholiques. Cato TV, Cato TV en Italie. Une sorte de Cato TV, je pense. Oui, qu'on il y a une chaîne comme ça en France. Elle existe encore ou pas? Je crois, oui. En tout cas, ce sera vraiment. Est-ce qu'on va regarder ça sur des postes cathodiques? Oh là là! Ah ouais, non, mais si ils applaudissaient, elle va en sortir d'autres, vous êtes au courant. Moi, j'adore. Je vais faire que ça. Oh, non! Bah, voilà. Attends, c'est du pape per view ou pas? Oh! Alors là, vous avez pas les images, mais j'ai croisé le regard d'Adrien qui vraiment m'a regardé, genre, eh, c'est bien, non? Et vraiment, je vais pas renvoyer ce qu'il cherchait. Il a dégueulé. Vraiment, ouais, regardez, genre, je refuse. Pas mal, non? Et vraiment, je lui ai dit non avec mes yeux. Alors, sachez que le titre, c'est Vativision, tout simplement, okay. Parce que c'est pas vraiment. Non, moi, j'aurais proposé Vati by Night, personnellement. c'est un service à la demande de films, de séries et documentaires à message catholique. C'est lancé depuis lundi, bah aujourd'hui. Mais alors, c'est payant, alors. Attendez, combien c'est l'abonnement? Si je vais être obligé de regarder. Alors, c'est bien qu'on fasse des choses pour les catholiques, quand même. Ouais. Culture, art et foi, partout avec toi, indique son slogan de lancement sur son site internet. Après le marché italien, la société prévoit une diffusion progressive aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, en Colombie, au Brésil, aux Philippines, en Espagne et en Pologne. Voilà, c'est pas bien, c'est ça, quoi alors. Le nom? Vativision. Vati by Night. C'est tellement ringard. Ça fait vraiment truc des années 60, quoi. Les cathos sont des gros ringos. Hein. Et là, vous l'entendrez ici en premier. Nouvelle question. En Inde, on a libéré une personne accusée d'être un espion pour le Pakistan. Quelle était la particularité de cette personne? C'était un pigeon. Oh, très bonne réponse. Non, je l'ai vu. Alors que tu peux nous en dire plus. Et alors, il avait un truc sous ses pattes et le gouvernement indien a cru que c'était un mesure code. Mesure 1m50. Et il a une caméra et un micro sur lui. Et en fait. Quand on l'a fait, il a fait oui, bah je suis un pigeon. Rourou. Je sais pas quoi dire de plus. Rourou, je suis un pigeon. Pardon. C'était les coordonnées de son propriétaire et non pas un code secret. Mais il a été emprisonné peu de temps, j'imagine. Non, mais attendez. Il a été très vite relâché. Les gars voient un numéro de téléphone et ils font c'est des coordonnées secrètes. Tu sais, genre, ils ont jamais vu un 06 de leur vie. C'est vraiment, les gars, pas très doués, quoi. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Parce que dès qu'il y a un numéro de téléphone, c'est genre, bon, c'est des espions, laissez tomber. Je suis en train de me dire que Du coup, il y a des, enfin, genre ouais, tu croises des, il y a des gens qui s'envoient des pigeons avec des. Bah, il faut croire. Alors oui, oui, non, ça c'est vrai. Par contre, ça c'est un vrai truc. Il y a des gens qui utilisaient les pigeons pour ne pas être repérés sur Internet, téléphone et tout. Ils utilisent vraiment des pigeons voyageurs comme à l'époque médiévale. Voilà. Des gens qui n'ont pas vu le bureau. J'ai besoin de processer un peu cette information quand même, parce que vous dites ça genre normal, vous me regardez genre mais Cyprien, allons, les pigeons voyageurs. Monde vitu. Excusez-moi. Non mais ouais, et le premier ministre a été sollicité, c'était un vrai truc, ça remue le pays, je peux pas vous dire mieux. Ça et le Covid, hein, c'est deux trucs. Freeze et pigeon. C'est les deux trucs quoi. Et genre la photo du pigeon a tourné sur les JT et tout. Si vous avez vu ce pigeon, restez chez vous. Je crois qu'ils ont ressorti des vieux tweets du pigeon. Affaire. Quelle immense infamie. Non, c'est moi qui le pense. Mais c'est une boisson qui, sur le papier, est une immense infamie, a été créée à Toulouse. Le Dr Pepper. Non, mais pas loin. Oh, et là, il y en a beaucoup. Une boisson créée. Ah, le ginger. Du cola toulousain. Alors, c'est de la bière, mais c'est pas vraiment ça. De la bière. De la bière. Guinness. Ouais, j'allais dire. Non, non, mais une boisson, une bière qui a une particularité que moi personnellement je trouve infâme, mais peut-être. Ah, pardon, je pensais que c'était. Non, mais sur le papier ça sonne recette chelou. C'est connu ? Non, c'est pas connu. Si, c'est très cool. C'est comme s'il avait mélangé deux trucs qui vraiment. Il y a du gingembre dedans ? Non, pas de gingembre. La coriandre ? Non. Bière au coca ? Non. Ce qui serait pas si horrible. Je sais pas moi. Au fruit de mer. Pardon. Au fruit de mer. Pas au fruit de mer, mais c'est pas. Ça a un rapport avec Toulouse ou pas ? Oui. Ah, la cassoulet. Bière rose. Mais non. C'est pas une bière au Big Fleury. C'est la question que tu poses. Ils boivent du coca de toute façon. Donc Du Fanta. C'est du Fanta. Non, c'est une bière mélangée avec une spécialité toulousaine. Bah, c'est ça, cassoulet. Enfin, pas vraiment une spécialité, mais en tout cas. Cassoulet. Mathieu Cassoulet. Non. Non, mais pensez. Qu'est-ce qu'à Toulouse? C'est un peu différent du reste de. Pas qu'à Toulouse. Ah, chocolatine. Hein, une bière à la chocolatine. Ah, Eric Desmusclés. T'as l'air tellement saoulé quand tu dis ça. C'est une bière effectivement à la chocolatine recyclée. Alors le quoi ? C'est bon. Là. C'est une brasserie artisanale de Toulouse qui lance une bière à la chocolatine. Cette bière brune et pâtissière est produite avec des chocolatines invendues récupérées auprès des boulangeries. Non, ça doit être bon, je pense. En vente sur Internet, elle peut à terme convertir, pardon, aussi les adeptes du pain au chocolat. Clin d'œil. Pardon. Ah oui, je les défendais, mais là ça suffit. Vous pouvez l'acheter sur Internet. Et quel est à votre avis le nom de la marque? Le nom parce de la bière. Non, parce qu'il y a des amoureux du jeu de mots autour de la table. Petit jeu de mots autour de Toulouse. La bière à titine. Allez-y. Comment? La bière à titine. Non, mais il n'y a pas de jeu de mots là. Avec la chocolatine. Ah oui, non. La bière. La bière. Attendez, faut que je me concentre. Il y a Toulouse dedans, un peu dedans. M'isole dans une pièce. Il y a le mot Toulouse dedans. Il y a le mot Toulouse. Toulousine. Non. Toulousatine. Non. Nothing Toulouse. C'est exactement le nom. Non. Mais quel génie, bordel. C'est fou. Pierre Bénichoux s'est réincarné en Adrien. Je peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. Oui, ils râlent tous les deux de la même manière. J'ai rien. J'ai absolument pas râlé depuis le début. T'as dit qu'il crève. Ouais. Pas râlé, c'est un souhait. Ça s'appelle un souhait. Toulouse toujours. En plus, juste avant, t'avais dit oh, ils nous emmerdent avec les chocolatines. Mais j'ai tous les deux en fait. Mais tu es Pierre Bénichoux et Marjorie et Christine Bravo. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème à vis-à-vis de ça. C'est d'accord. J'aime bien. Toulouse toujours, une ville très en forme. Visiblement, l'église de la ville a fait parler d'elle via une banderole pour inciter les gens à venir à l'église. À votre avis, en quoi cette banderole est-elle surprenante? Alors, ça parle de bouffe. PQ? Non. Pardon. Bon, c'est une promesse. C'est un jeu de mots, peut-être? Non, il n'y a pas de jeu de mots. Elle promesse. Elle promet quelque chose? Elle est faite en hostie. Non, en fait, elle a fait une menace. Il y a dit venez, sinon vous irez en enfer. C'est très vraiment fort. Non, c'est pas ça. C'est juste, elle a fait une pancarte où elle a utilisé des trucs un peu surprenants et qui ont énervé des gens, mais en vrai, des gens un peu cons. Il y a marqué personne à l'église et ensuite il y a une photo de Denis Brunner qui fait ah! Il faut que ça change. Mais j'aurais adoré. S'il y a une église qui nous écoute et qui veut reprendre cette idée, c'est avec très grand plaisir. Il y a pas de même alors. Écran. Pas de même. Oh, c'est tellement moins bien du coup. C'est vraiment une banderole. Moi quand je vais à l'église avec un. Ah oui. Ça a utilisé une imagerie particulière. Exactement, une imagerie disons un peu pop. Oh, Star Wars. Michael Jackson est là. Star Wars. Mais non. Non, effectivement, je suis la raison. Il s'agit de Star Wars. Ah, tu vises tout le temps juste. Il a mis, écoute, je suis ton père, mais un peu moins prêtre, que Dieu. Un prêtre, mon père, tu sais. Ah oui. Je suis mon père. Ouais. Pas mal. Il est votre père. Voilà. Non, c'est nul. Le slogan, c'est tu penches du côté obscur. Oh, Jésus est ressuscité. Viens à la lumière, tout bonnement. Bon. Je vous montre vous qui êtes autour. Ah oui. Côte à côte avec Jésus et Jésus a dans la main un véritable sabre laser. Donc c'est homologué, Et alors, moi, sachez. Il avait repris la typo vite fait et tout. Non, non, non, c'est vraiment Jésus avec un sabre laser. Le père Verlet de Toulouse qui a tout mon respect parce que je suis un pur geek. Pervers. Père Verlet. Non, hein. Non, mais père Verlet, c'est son nom quoi. Il est et moche. Le pauvre, on l'embrasse. On... Je sais qu'il nous père écoute Verlet. En plus. Il m'a appelé pas Monsieur Verlet. Vous êtes un père. Non, non, mais. Selon le père, donc, c'est une façon de traduire une démarche spirituelle dans des termes plus modernes. C'est aussi un moyen d'attirer l'attention des jeunes qui viennent faire la fête à côté place Saint-Pierre. Régulièrement, nous retrouvons des personnes en coma éthylique devant la porte. Il y a également beaucoup de bagarres. La bannière leur permet, j'espère, de sourire, mais aussi de réfléchir sur leurs addictions, mais... comme l'alcool, ah, la drogue et la. Si t'as pris le père la drogue Verlet. Et que tu vois ça. Et je perds le père Verlet, j'ai envie de vous dire. La pornographie. Il est anti-pornographie. Ah, ah. Oh. Bah, oui, oui. Voilà. Mais. Il sait vraiment ce que c'est un coma éthylique parce que si t'es en coma éthylique, t'es pas en train de regarder une affiche et entendre dire pas mal, c'est Star Wars. Et alors t'es ça... en train de crever. Ouais, fait, mais ça n'a aucun sens. Surtout, t'es reboot, tu vois l'affiche. Enfin, je veux dire, ça va pas t'aider, c'est... ça va pas te convaincre. Ça va pas tu vois. Jésus, un sabre laser. Bon, j'arrête l'alcool. cette réaction prête à sourire, mais elle n'est pas du goût de tous. Parce bien que, sûr. Évidemment, j'imagine. Les fans de Star Wars, que je représente, hein, et genre, sont des bons gros relous. Et peut-être George Lucas aussi, peut-être. Ah, c'est ou en tout cas, l'entreprise Disney. Écoute, on aurait pu penser que ça aurait pu froisser une certaine mouvance traditionnaliste, mais en réalité, on nous a surtout reproché de blasphémer Star Wars. Il y a c'est même génial. Des gens qui ont essayé de brûler notre affiche. Non, mais en termes de droit, je ne sais même pas si. Droit. Tu sais ce que je veux dire, c'est payant normalement. Tu peux pas Star Wars sur des. Ça va, Dieu va Jésus. Pas payer des droits non plus. Et alors, c'est l'an dernier, une autre bannière avait été créée reprenant les codes de l'application de rencontre Tinder. Oh et sur laquelle était inscrit tu cherches un mec fidèle, Jésus est lui fidèle depuis 2000 ans. C'est marrant. Ça c'est top, mais ça me surprend de. C'est toujours la même église qui fait ça. Bah écoute, je sais pas. Je pense qu'il y a un graphiste un peu fifou. Fait, les gars, tu sais, c'est son stage et tout. Il fait ouais, je suis catho, ouais, bien sûr. Il fait juste des putains de montage. pendant, alors celle-là est facile, elle a beaucoup tourné, mais un habitant de l'Alabama a décidé de se confiner dans un endroit particulier et s'est vu expulsé et inculpé pour violation de propriété. Où s'était-il confiné dans le cul d'un animal, non, il n'y avait pardon pas ça dans le cul d'un animal. Comment ça va pas vivre. On c'est peut pas viser juste à chaque qui t'invite, Justine. Soit ça n'a rien à voir, soit c'est plein en mille, tu vois. C'est parce que j'ai vu un film où il y avait ça et je me suis dit ça se trouve un mec confiné dans les un film qui n'était pas dispo sur Vativision hein, d'ailleurs. C'est quoi le film où quelqu'un c'est est le film avec Sacha Baron Cohen là. Ah dans le cul dans un vagin d'éléphant, un peu de respect. Non, excusez-moi. Non mais enfin Justine et ce n'est pas de l'actualité, c'est un film. Non, là si c'est le mec qui s'est confiné. On a vu pas mal tourner hein. Mais ça me dit ah ouais quelque chose. Chez c'est des pas flics un magasin dans une institution, j'imagine. Dans un une école. Dans un très gros truc. Dans un musée commercial. Dans un musée. Non, visez plus gros, mais on est dans on ah, la Maison Blanche, non. Un stade, non, un Disneyland. La fameuse Maison Blanche d'Alabama. Un Disneyland. À Disneyland, parce qu'en fait, c'est un gars d'Alabama, mais c'est pas en Alabama, il est en Floride. Et il s'est confiné effectivement à Disneyland. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que j'ai 5 sur 5 quand même au c'est questionnaire. C'est ton rêve, non c'est pas mal. Ouais. Mais tellement, j'étais. Écoutez, c'était un YouTuber, j'imagine. En bras TV. En pleine épidémie de coronavirus, quel hôtel introduit. C'était quel land non, il est resté combien de temps génial. Alors, écoutez, il avait un sac de couchage, j'imagine. Il dormait à l'arrache, quoi. Non, non, en gros, oui, c'est ça. Les hôtels, c'est dommage, quand même. Mais non, mais les hôtels étaient évidemment fermés. Donc en fait, il s'est. Il a rien dégradé, j'imagine, le mec. Il a fait ça sympa. Mais laissez-le parler, bon. Il s'est introduit. Mais non, il laissera jamais parler. Quelques attends, jours, de... Il s'est introduit quelques jours auparavant sur le site fermé pour y camper, tout simplement. L'Américain a expliqué ne pas avoir eu conscience que son intrusion dans ce qu'il décrit comme un paradis tropical constituait un délit. Il comptait d'ailleurs y séjourner une bonne semaine. De nombreux panneaux indiquaient qu'il était pourtant interdit de pénétrer sur la propriété privée. Merci, oui. Et les forces de l'ordre ont utilisé le système de haut-parleur de l'île pour informer le contrevenant qu'il était en train de violer la loi et lui ordonner de partir. C'est un quadragénaire qui avait initialement été détecté par les agents de sécurité qui surveillaient les lieux. C'était en 99. Un hélicoptère, plusieurs bateaux et des policiers à pied ont été nécessaires à la localisation de l'individu. Parce qu'en fait, dans le Disney World de Floride, il y a ce qu'on appelle le Paradise Island qui en fait a été abandonné. Donc en fait, il s'est dit, je vais me foutre sur l'île. Il s'est pas mis chez les pirates. Il savait pas. Il s'est pas mis dans le Space Mountain. D'accord. Mais il a tellement raison. Il a tellement raison. Bah oui, grave. Vous auriez pu vous confiner à Disney World. J'aurais adoré. Mais si tu t'es fermé. Non, mais si, il y a un petit paysage, c'est cool. Mais tu manges quoi par contre? Tu pêches les oh, tu te débrouilles, il y a bien des résidus. Il y a des poules, cela dit, il y a des poules à Frontierland. Tu peux tuer une poule et la manger, ni plus ni moins. Manger ses œufs, tout simplement. Voilà. Oui, oui, moi je suis déjà directement dans le nord. Effectivement. Non, y a des... Toi, t'es grosse amoureuse de Disneyland. Ah, mais je suis une geek. Une geek. Tu y vas combien de fois par an à peu près? Là, vachement moins en temps de Covid, mais j'y vais. Allez, je peux aller jusqu'à 4-5 fois par an. Ah ouais, ouais. Tu kiffes. C'est un vrai truc. Mais je tourne en rond là à Disneyland Paris. Disney World, c'est l'aboutissement de ma vie. Je veux y aller. Voilà. Mais non, mais surtout, là, ils sont en train de construire des milliards de trucs à Disneyland là. Je crois. Enfin, ils construisaient du coup. Il y a le monde Marvel, le monde ouais. Star Wars, Marvel. Mais alors le monde Floodcast, d'ailleurs, je vous l'annonce. Ouais. Mais ça me rend triste parce que moi, j'aime ni Star Wars ni Marvel. Et du coup, ça me saoule en fait qu'ils rachètent tous ces trucs. La tête qu'a fait Flo quand tu as dit ça. J'ai failli lâcher un bout. Est-ce que vous avez regardé Imagineers là sur Disney Plus? Non, c'est super documentaire. Tu peux en parler un peu? Non, mais alors, c'est un documentaire sur les gens qui ont créé les parcs d'attractions, quoi. Et bon, c'était assez intéressant, tu vois. Et puis à un moment, il parle justement de Disneyland Paris. Et donc là, ça parle des manifs de la gauche et tout. J'étais là en mode, ouais, c'est bien ça. C'est la bonne France. C'est vraiment, ça se passe très bien partout, sauf en France. Ah ouais, sauf en France. Le patron de Disney s'est pris des œufs dans la gueule écrit Mickey, rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi. Non, mais, ni plus ni moins. Vraiment, je regardais ça, je fais, c'est la bonne France, ça. Vraiment, y a pas de doute. Et après, ils disent, ouais, par contre, c'est vrai que le deuxième parc qu'on a fait à côté, énorme échec, il est nul et tout. Et moi, dans ma tête, je fais, mais c'est le seul parc qu'on a en fait. Enfin, c'est s'il clash, nous, Disneyland Paris, tu vois. Ouais, c'est ça, vous défoncez le Walt Disney Studio. Ouais. Mais d'ailleurs, non, parce qu'en France, nous, on a le Puy du Fou, qui, je vous le rappelle, est quand même le meilleur parc du monde. J'avais oublié, t'as raison. Est-ce que vous connaissez ce slogan? On en avait parlé avec Léopold, je me souviens qu'on l'avait invité. C'est ça le slogan? Il a été élu, en fait, le Puy du Fou, depuis des années, ils disent on a été élu meilleur parc d'attraction du monde. Ce qui est pas imaginable, puisque c'est vraiment quatre chevaliers dans un truc. Voilà. Pas un parc. Et alors, je me suis renseigné parce que moi je voulais en savoir plus sur ce truc du meilleur parc du monde. Journaliste d'investigation. On a bossé, et ben alors sachez, ni plus ni moins, que c'est un truc qui s'appelle le Applause Awards, qui est en fait. Quoi ? Non, mais voilà, donc qui est considéré par plein de gens comme effectivement un truc légitime, mais qui n'est pas du tout genre les gens n'ont pas voté. C'est vraiment 6 patrons de parcs d'attraction qui votent quel est le meilleur parc de l'année en Suède. Et le Puy du Fou a gagné Viteuf en 2014. D'accord. Et du coup, depuis, c'est le meilleur parc attends, du monde. Mais attends, c'est la publicité mensongère. Bah, non, parce que c'est pas faux en fait, parce que c'est écrit en petit. C'est comme le fait qu'ils sont tous anti-avortement, tu vois, c'est écrit en petit, en bas. Et que aucune personne qui participe au spectacle n'est payée. Ah ouais, c'est vrai. Bah non, c'est des bénévoles en fait. C'est vrai. Non. Le Puy du Fou, je savais pas du tout. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire autant de podiums. Bah, des trucs aussi nuls en fait. Vraiment, ils se sortent pas les doigts. J'avoue, quoi, je sais pas, j'y suis jamais. Ils arrivent à choper des aigles quand même. Ça, j'y étais quand j'étais gamin et j'ai vraiment un souvenir un peu clacasse, quoi. Tu vois. Alors que j'étais influençable, oui, enfant et tout, tu vois. Normalement, moi, le moins gros truc, c'est la folie. Et bah, vraiment pas. Donc, j'étais gamin, j'étais déjà sceptique, tu vois. Dans le même genre, faut pas retourner au Futuroscope, je pense, maintenant. Ah bah oui, parce que c'est le futur du passé, un petit peu. Bah oui, mais même pour le côté justement un peu désuet, marrant. Ouais, tu peux le peindre en cuivre long, hein. Et ça fait steampunk, ça peut-être. Ça fait une longue journée pour trouver ça un peu marrant. Oui, autant trouver un vieux CD-ROM Windows 95 avec Thierry Lhermitte. Bien sûr. Ils ont les pires mascottes, le pire spectacle de fin. C'est vraiment ils essaient de faire des efforts, le Futuroscope. Moi, je me souviens que le Futuroscope, tous les ans, ils achetaient des licences pour avoir des restas. Enfin, genre, ils avaient fait on a les lapins crétins. Ouais, lapin crétin. L'année d'après, c'est les Jean-Michel Jarre. Je rigole, il y a eu la féerie des eaux de Nolwenn Leroy. C'est vrai, je crois que j'y suis allé cette année-là. Bah, voilà. Je viens d'acheter des os, mais passe, c'est bon. Je suis parti là. Vous voyez pas, mais je suis en train de partir là. En plein confinement, certaines personnes ont tenté d'échapper aux règles pour sortir et ont pratiqué le déguisement, ni plus ni moins. Je vous en demande trois. Attends, quel est le truc, pardon? Tu n'écoutais pas. Exactement. Qui t'invite? Bah. Pour échapper aux règles de confinement, certaines personnes ont dû se déguiser. Je vous demande trois costumes. Le pigeon indien. Une sorte de bouée, des bouées maritimes bizarres. Alors effectivement, ça s'en est un. Alors parlons déjà de genre là. Genre il allait se baigner déguisé en bouée. Ouais, ils avaient un truc. Ils se sont mis une bouée sur la tête et ils nageaient comme ça. Tu vois juste une bouée qui flotte. Mais c'est un mec qui nage. Alors, je vais vous raconter cette histoire qui a une bouée qui ensuite s'est suée avec sa serviette. Une bouée qui brose un peu. Je vais vous raconter. Sa voiture. Je vais vous raconter. Bouée, pardon. Excusez-moi, cher bouée, vous êtes mal garé. Oui, bah pardon. Après, je suis une bouée, j'ai pas de bras, donc un peu de respect. Il était avec son créneau, je crois, le mec. Fabrice Eboué. Bien sûr. Oh là là. Oh là là. Top là. On est back. C'est le pire moment de l'année pour moi. Je vais vous raconter c'est cette petite histoire qui a lieu hier dans le Var. Oh. Alors que le soleil est au le rendez-vous. Sang, le sang, le 8-3. Pardon. Deux hommes âgés d'une cinquantaine d'années ont décidé de braver l'interdiction de se rendre à la plage. Cependant, pour éviter d'être remarqués par les forces de l'ordre et de devoir payer la fameuse amende de 135 € pour non-respect du confinement, une idée un peu farfelue leur a traversé l'esprit. Se déguiser en bouée de balisage. Bien tenté. Cependant, qui leur a coûté 135 € finalement. Cependant, les forces de l'ordre ont repéré les deux hommes et en ont même interpellé l'un d'entre eux. Trouble au confinement, 135 €. Une baignade quelque peu insolite qui a bien amusé la toile parce qu'ils ont été filmés. Ils ont été filmés. Ah, et alors le détail qui moi me plaît dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait ça le dimanche 10 mai. Soit la veille du déconfinement. Et voilà, il y a une audace. Il y a une audace qui me plaît là-dedans. Pour moi, c'est alors, les Français face à Disneyland. Alors, décharge, peut-être que les plages n'allaient quand même pas ouvrir le 11 mai. Et qu'ils ont fait, oh, la casquette, on se déguise en bouée, tu vois. Mais peut-être c'était pas ouvert. Peut-être, peut-être. T'as alors, la photo alors, merde, je l'ai quitté, mais oui, je vais vous montrer. C'est ça. Les bouées jaunes, là. Non, c'est des bouées jaunes. Parce que j'imagine rien, vraiment. Je vois pas comment c'est possible. Alors, oui, l'erreur qu'ils ont fait, c'est que la bouée avait des bras et un sourire. C'était ça. Voilà, c'est ce genre de bouée. Celle qui est jaune avec triangulaire. On pourrait dire un plot. Attends, mais il étouffe en dessous, le gars. Non seulement il est sous l'eau. Alors, oui, par contre, il s'est noyé. C'est le petit souci. Il est au fond de l'eau. Non, mais voilà, donc ces petites. Regardez, on peut les voir là. Ils ont des petites têtes en termes de bouée. Putain, on dirait des gars du Ku Klux Klan qui sortent de l'eau. Alors, ils sont également extrêmement racistes, effectivement. Non, voilà, ils ont des. Je vous invite à regarder. Pour moi, ils sont complètement check et tout. Genre, on les a bien eu. Prends ça, le macaron. Les flics étaient déguisés en méduse. Mais il y a encore deux autres costumes et ce n'est pas le plus débile. Ah wow. Merde. J'ai vu un dinosaure sortir ses poubelles. Alors oui, mais lui, je pense pas qu'il le faisait en se disant personne. Les flics sont arrivés. Excusez-moi, c'est... vous êtes éteint il y a des millions d'années. Bah, je vous crois pas en fait. Oui, mais le retour à la nature, vous savez. Depuis que les Parisiens ils sortent plus comme ça, voilà. Alors non, il y a eu des dinosaures. Il y a un animal ou pas? Il y a un animal. Un chien? Si, il y a un chien. Il y a un chien, effectivement. Comment tu peux te déguiser en chien? Alors, c'est en Espagne. C'est en Espagne. Alors, je vous invite à googliser le costume, c'est à s'y méprendre. Un Espagnol a trouvé. Dingo. Ah oui. Il a été aperçu et photographié dans les rues désertes de Tolède, centre de l'Espagne, la semaine dernière. Alors, voilà, la semaine dernière, non, c'est un vieil article. En mars. Dans un curieux accoutrement, déguisé en chien, il marchait à quatre pattes sur le trottoir. Alors bon, c'est pas très radiophonique, je vous invite à le googliser. Voilà. Ah mais en vrai, de loin... Ça va, de loin. De loin, mais tu moi, bugs, j'y crois. Hein. Ouais, de loin, ça va. Je pense que la démarche, tu grilles tout enfin... C'est le fait qu'il ouvre sa braguette pour pisser. C'est un petit peu. Vraiment envie de sortir. Moi je rêve du moment où on le grille et si il continue encore un peu le chien, tu sais. Ouais, c'est genre juste 10 secondes, c'est genre. Ou si le gars direct il se met debout, il fait. Ok. Et le flic fait semblant de pas entendre et le flic dit au pied et il fait merde, je suis obligé d'y aller sinon je grille ma couverture. Non, mais en plus, dites-vous que ça n'a pas du tout fait rire les Espagnols, parce qu'en plus, il l'a fait vraiment au pic de l'épidémie. Mais bon, maintenant, ça va, on peut en rire, parce que vraiment, il est ridicule. Et enfin, le dernier, alors, du coup, vous avez trouvé les plus marrants, les autres sont un peu moins foufou, donc je vais vous les donner. Bah, des gens se sont déguisés en sac poubelle et en buisson. Donc pour se fondre mal, dans la foule. C'était à Manhattan, hein, le buisson. Quand donc même, le buisson, génial, ça. Le buisson, il y a un petit côté mal, c'est CTLM. C'est voilà, c'est ça, il y a un petit côté CTLM qui marche bien. Et en poubelle, dites-vous, c'est directement en sac poubelle. Voilà, directement en sac poubelle qu'on a pu les voir cachés. Hey, franchement, de loin, ça peut fonctionner. Ça passe, oui. Ça peut fonctionner. Juste quand ils marchent, ça doit être bizarre, mais c'est. Ils sont vraiment avec des détritus, ça, c'est qui est vraiment très con de leur part. Non, mais attends, mais je comprends pas qu'est-ce qui te pousse à genre c'est aller ça, dans ton déguisement. Non, mais c'est pas interdit de sortir. Falsifier une attestation très facilement. Il y en a pas aux États-Unis des attestations, je pense. Là, c'est pas aux États-Unis, hein, c'est Espagne. Et, ah oui, Espagne, il y en avait, il me semble. Ouais, je sais pas. Mais ouais, je sais pas. Okay, ils sont là, genre, est-ce que je mens sur mon attestation? Non, mais le déguisement de chien. T'avais pas le droit de t'éloigner plus de je sais pas combien de chez toi et tout. Ouais, donc, ouais. Ah, peut-être qu'il faisait 5 minutes. Il avait son attestation 5 minutes et tu vois, autour de chez lui. Et ouais. Pour les mecs qui terminent, ils se déguisent. Est-ce qu'on sait si c'est lié au confinement? Peut-être c'est leur vêtement de tous les jours. Peut-être ils aiment ce. Enfin, c'est leur délire en fait. Peut-être c'est très fétichiste. Peut-être c'est des buissons. Au quotidien, c'est des buissons, les mecs. C'est un furry. Et le gars déguisé en chien, il s'est dit c'est con, j'ai un costume de chien. J'ai zéro occasion. C'est pas le moment. C'est vraiment. Confinement toujours. En Angleterre, un couple a profité du confinement pour copuler dans un endroit pas vraiment fait pour ça. Une voiture. À votre avis, le. Bon, non, pas. Non, un peu plus fou. J'avais vu ça. Non, un endroit un peu plus dingo. Je ne parle pas du chien dingo, hein, en l'occurrence. Bah oui. Non, dans un endroit quoi? Ah, j'espère que c'est pas à Disney encore. Hein. Parce que ça, ça se fait app. Hein. Je disais que ça doit arriver très souvent. Pas de sexualité. Non. Alors. Sperm Mountain. J'avais juste envie de rebondir. Pardon, bah, j'avais rien d'autre. Bah tu brises la magie. J'ai envie de rebondir et j'ai rien. Ça reviendra plus tard dans l'émission. Je connais, je tu rigoles, mais à Disney, alors moi j'y ai travaillé, il y a des sales histoires. J'écoute pas. Déjà, ils vivent tous les uns sur les autres dans leur petit hôtel là. Donc qu'est-ce que tu crois qu'ils arrivent? C'est pas pareil. Attendez, Marjorie a régulièrement des invites gratos. Si on pouvait éviter de chier sur Disney quand elle est là, ce serait quand même la moindre des choses. La prochaine fois que tu vas, prends une lampe, tu sais, violette là. Et tu vas voir toutes les devant Donald. Alors, ah oui, bah ouais. Est-ce que c'est une institution, un truc comme ça? Non, non, non, non. C'est juste un endroit où normalement, bof. C'est un lieu public. Une église. Non, non, non. C'est un lieu public. Pardon. C'est un lieu public. C'est un lieu public. Un cinéma. Pas un cinéma. Ah. Ils étaient fermés, pas, Cyprien. Enfin. Non, pas. Oui, mais justement, ils auraient pu en profiter, mais non, c'est pas le cas. Pas le théâtre, c'était fermé. Pas le théâtre non plus. Un lieu qui est fermé ou? Non, un lieu qui est ouvert. Une pharmacie. Non. Bah, la rue. C'est vraiment dommage dans la pharmacie, c'est vrai. Il y a plein de gens qui attendent et toutes tout. Toutes les capotes sont à disposition. Vous voyez pas que... Non, non, non. Station service. Une école. Pensez dégueu, vraiment. Pensez pas une déchetterie. Ouais. Non. Dégueu. Pas dégueu. Rien n'est dégueu. Oh là là, rien. Le macaron, on attend les masques. Non, non, non, mais pas dégueu, je ne juge pas, mais moi je trouve ça un peu dégueu. Une boucherie. Non. Ah, ça, c'est un hôpital. C'est de la bouffe. Un cimetière. Ah, ouais, bon, je suis le potier. Oh, mais attendez, va. Mais cette news n'a aucun rapport avec le Covid en fait. C'est genre, oui, des gens qui ont baisé dans un cimetière. Non, ils ont pendant le confinement. Ah, bon, bah ça va alors. En plein lockdown, s'il te plaît. Je pense que ça arrive en vrai tous les deux jours. Y a des bah ouais, en fait. Oui, mais l'accès au cimetière avait été interdit par le Conseil de sécurité britannique. Et ceci avait récemment pu rouvrir pour accueillir les familles endeuillées par le coronavirus. Et donc les photos étaient prises par des gens qui enterraient leur famille. On a donc vu des gens ken un peu au loin. Oh, c'est quelle ambiance. Donc, l'ambiance. Voilà, l'ambiance n'était pas mais à son max. Mais il est où le kiff en fait? Je comprends pas le fantasme. Ah, c'est une célébration de la vie. Bah, vraiment pas. En fait. Bon, ça a été une bataille d'ouvrir les cimetières c'est et je m'attendais à voir ce genre de saleté et je m'attendais à voir de seules saletés alors que de nombreux amis et membres de ma famille sont enterrés juste à côté. Je m'attendais pas. Je pense qu'il y a une petite faute dans l'article. Je ne m'attendais pas à voir ce genre de saleté alors que de nombreux amis et membres de ma famille sont enterrés juste à côté. En temps normal, c'est déjà un acte grave. Mais nous assistons à un nombre de décès. L'article a plein de fautes. Et donc, intentairement, plus grand que d'habitude. Non, c'est bon, c'est inacceptable. Je pensais que les gens auraient plus de respect. Bon, voilà. Où est le respect? Non, mais en tout cas, qui peut s'asseoir à ma table? Voilà, j'ai la petite photo qui va avec. Hein, je vous l'offre. Ah, on le voit. Oh ah, ah, était plus en photo. Je crois que c'était inscrit derrière un petit buisson. Une petite... Alors, non, non, c'est à même une tombe. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Quand tu kennes en extérieur, comme ça, t'enlèves pas 100% de tes vêtements. C'est très bizarre. Là, ils sont. 100% nu. Il fait jour. À poil, en plein jour, sur une tombe. Y a en pas... plus, c'est la tombe de Jim Morrison au Père-Lachaise. Donc, c'est vraiment. Ils ont vraiment tout fait. C'est ouf. Bah, écoutez, oui, bon, bah voilà. Je vais pas vous demander, vous, si vous avez déjà fait l'amour dans des endroits insolites, mais est-ce que c'est un truc qui pourrait vous plaire? Moi, je suis tombée plusieurs fois sur des gens qui font l'amour devant moi sans que je le demande. Tu l'as fait aussi. Non, je... Après, ils ont Ken devant toi. Après, c'est dans une boîte à partouze. Non, je suis tombée. C'était en Indonésie, dans un temple. Hein, je suis tombée sur des mecs, j'ai encore l'image, et sur bah une, j'espère, et c'était horrible, et sur une plage, des gens clairement en plein jour. Ouais. C'est pas chouette à voir. C'est vraiment pas. Mais moi je trouve ça stressant surtout. Enfin, moi déjà dans un lit, je suis des fois un peu angoissé, donc vraiment dans un lieu public, moi j'aurais trop peur de alors me faire. Je peux rebondir sur. Pas moi qui ken dans un lieu public, mais assister à des ébats. À Paris Games Week. C'était, non, mais le soir du réveillon, du nouvel an. Ah oui. Et vraiment, on regarde par la fenêtre chez les potes, et vraiment, tu vois deux vieux et une pute. voilà, batifolé, vraiment. Deux vieux, une pute qui est la suite d'un gars, une fille. Mais dans la rue ou dans la rue ou la bâtiment non, passe. Le vis-à-vis quoi. Chez dans eux. Le, c'est bah, le, chez eux, ouais. Et donc. Bah, c'était la nouvelle. Comment tu sais devant Patrick Sébastien. Ça, c'est ça c'était peut-être. Pardon, oui, je sais pas si c'était. Voilà. Oh bah, alors. Mais c'était un vieux et une vieille. Pardon. C'était un vieux et une vieille. Non, non, c'est deux. Deux monsieur. En fait, ce qui est très gênant, c'est que c'était la version porno de scène de ménage et que vraiment juste. Ça lui parle directement. Mais oui, est-ce que t'étais dans ce Un Belge a été victime d'une. Enfin, il est toujours victime apparemment d'une sorte de harcèlement assez étrange et ce depuis maintenant 9 l'ai, ans. Je sais. J'ai vu sur Twitter. Alors bon, bah Marjorie, du coup. Tout le monde le sait. Sardoche. Attendez, tout le monde le sait. Tout le monde. Pizza. Il reçoit des pizzas. Effectivement. Toujours dans la vérité. L'article s'appelle « Je tremble dès que j'entends la mobylette ». C'est sur quoi ? C'est dans quoi ? C'est dans Society ? Là, c'est West France. Ah non, ouais. Ce qui pourrait sembler un rêve pour certains s'est transformé en cauchemar pour Jan van Lagdram, un Belge de 60 ans, originaire de Turnhout, ville flamande du nord de la Belgique. Turner et Hout. Il reçoit depuis maintenant 9 ans des pizzas, kebabs, pita, qu'il n'a jamais commandé. S'il pensait dans les premiers temps à une erreur destinataire, il est désormais convaincu que ces livraisons intempestives sont bien le signe d'un acharnement contre lui. Il peut avoir jusqu'à 14 pizzas le même jour. Ah bon ? Ouais. Oh, ah oui, 14. C'est mais fou. Les gens lui demandent de payer ? Bah, en fait, c'est ça, ça arrive en semaine comme le week-end. Et en fait, là où il est un peu embêté, c'est que le harcèlement à la pizza, c'est pas ennuyeux non seulement pour lui, mais aussi pour les restaurants, car ça leur coûte de l'argent. C'est pas sur non, mais au bout d'un moment, son adresse, ça s'est pas fait blacklister. Ouais, c'est ça que j'ai pas compris. Non 14 plus, par jour, mais normalement, attends, tous les livreurs, ils les connaissent. Excusez-moi, mais quand tu achètes une pizza, tu la payes d'avance. Tu la payes pas forcément. Pas toujours. Pas forcément. À la pizzeria du vieux collège d'Autun, j'en place une petite, tu payes qu'une fois qu'on te la livre. Mais, ouais. Même les trucs Uber Eats et Deliveroo, t'as l'option de payer au livreur. Sur place. Excusez-moi, je suis très mauvaise. T'es trop dans le futur, toi, en fait. Je suis très mauvaise en livraison. Non, mais c'est pas possible que ça dure aussi longtemps et qu'il n'y ait pas les livreurs. C'est très étrange. 9 ans. Et j'y crois pas non plus. J'y crois parce pas. Parce que je me dis, c'est un soit complot. Le mec, il a partagé sa blague, il a dit, envoie-lui une pizza, parce que si c'est le même mec qui fait la même blague depuis 9 ans. Oui. Après, il est déter. Hein. il est déter. Tous les jours. Il a une vanne, tu sais. Vraiment. C'est tout, quoi. Mais d'où viendrait la vengeance ? Ah, bah alors, je ne sais pas. De qui ? Pourquoi ? Non, mais ce gars-là, il doit marcher dans la rue et il y a son mec qui lui envoie les pizzas qui devront faire. Tu sais, en marchant à côté de lui. Bah, tu sais, vraiment. C'est vraiment. Un proche. Ouais. Une fois, il lui a pas payé la pizza. Ah oui. Du coup, il est très vénère. Eh, hey, t'es bien pépéroni. Enfin, t'es un truc bizarre. C'est toi ? Quoi, moi ? C'est toi qui m'envoie des pizzas ? Non ? Elles sont bonnes ou pas ? C'est vraiment. Ça fait 9 ans, mec. Est-ce qu'on vous a déjà fait, vous, des crasses comme ça, un peu vénère ? Alors, peut-être pas aussi vénère que des pizzas tous les jours, mais est-ce que vous avez déjà été victime de vengeance ou de trucs comme ça ? Ah, si. Ça prend une autre tournure, là, quand même. Ouais, l'émission. Si on dit qu'on a fait un truc abusé. On m'a acheté des faux followers sur Twitter. Et non, mais attends, mine de rien, c'est relou, je te jure. Parce qu'après, du coup, je me suis fait accuser d'avoir. Oui. Mais non, mais attends, on n'est pas là pour te faire. J'avais des milliers de robots dans mes. Et tout est arrivé. Bon, bref. Dans son appart. Et tu sais qui a fait ça ? En fait, c'était quelqu'un qu'on avait cramé. En fait, moi et plein d'autres gens sur Twitter ont eu ça parce qu'on avait cramé une meuf qui, en fait, n'était pas une meuf. Enfin, en fait, on a découvert que quelqu'un se faisait passer pour quelqu'un d'autre sur Twitter. Et quand on a commencé un peu à lui poser trop de questions, vous avez d'un des coup, followers. On s'est tous retrouvés avec une vague de. Bah, c'est vrai que c'est nul comme. C'est mais vraiment c'est la, sur la Netflix, pire vengeance. Hein. C'est une Netflix à la rentrée, hein, cette histoire. Hein, je vous dis. C'est la pire vengeance, c'est genre. Ah ouais, tu fais chier. Couper ça au montage. Tu fais chier, je vais monter ton nombre de followers. Mais arrête. Est-ce qu'on... Écoute, je vais demander à Sardou, c'est est-ce qu'on coupe ça au montage ? Non. Oh, écoute. Non, Sardou a décidé. C'est vrai que c'est moi. C'est une reprise de Camélia Jordana qui fait là. Quoi ? Non, c'est vraiment Michel Sardou. Un Indien s'est retrouvé aux dans la ville. Ouais, un Indien, bien sûr. Un Indien s'est retrouvé aux urgences après avoir eu une relation sexuelle avec un objet inanimé. Oh. Pourriez-vous m'indiquer lequel ? Et surtout, comment ? Parce qu'il y a un petit délire. Une gaufre. Non. Bouteille, c'est trop facile. Je vais dire enfin. Je viens de dire une gaufre. T'as dit un meuble. Non, juste avant, je te. Et bah tu m'as fait une Inception. Incroyable. Non, ou alors on est connecté. Vous avez envie de manger. Peut-être qu'on a baisé une gaufre ensemble. C'est peut-être lié à cette histoire où on avait baisé une gaufre à deux. C'est un objet électronique. Cette histoire, elle ressort pas assez, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est un objet. Alors, pas vraiment électronique, mais à jet de perle. Je sais pas pourquoi je pense à une lampe de poche. Non. C'est un véhicule. Ce n'est pas un véhicule. Un iPod ? Non, mais un téléphone. Un iPhone ? Attends, tu t'approches d'un iPod ? iPhone, tu t'approches. Google, un ordi, un iPad, ordi. Alexa, pas un iPad. Sèche-cheveux. On est dans le monde de la technologie, de l'Apple Store. Google Home, ouais. Google Home, pas Google Home. Un Mac. Ah, une montre Apple, une Apple Watch. Ah, bah ça. Apple pas, télé, je peux le petit boîtier. Ah, des AirPods. Je l'ai fait. Non, pas d'AirPods dans le cul, pardon. Quoi ? Allô ? Non, rien. Ouais. Donc, mais c'est Apple ou c'est pas ? C'est Apple. C'est Apple. Un objet Apple. Un MacBook. Pas de MacBook dans le cul, pas d'iPad dans le cul. Le petit boîtier Apple télé. Non. La télécommande. Ah oui, on le voit bien. Et c'est vrai qu'on l'imagine bien. Oui, bien sûr. Mais non, c'est pas ça. Attends, mais il y a un trou dans attends, le. Dit, mais soit il s'est mis un truc dans le cul, soit bah oui, il pense. A mis sa bite dans le truc. Non, ah, je et pense. Et alors non. Il y a une troisième façon. C'est vrai. Non. Et là, j'ouvre un peu. Ah non, il s'est mis le truc dans l'urètre, peut-être. Oh les écouteurs d'iPod. Les écouteurs. Les fils de la box. Les trucs sans fil, là. Arrêtez. J'ai envie de vous laisser. Non. Les antennes. Les antennes. Pardon, de quoi vous parlez? De quoi? Non, mais les antennes d'Apple. J'ai mal à l'urètre. Attends, on va trouver. C'est fou. C'est pas des AirPods. Adrien, on a fait une question de vue de mort. Est-ce que c'est le petit truc en fer pour enlever la. C'est ça? Enlever la carte SIM. C'est pas ça. Attends, Apple, qu'est-ce que c'est? Un chargeur. Cette image. Oh, mais un chargeur. Le potier a encore un point. C'est un chargeur. Oui, mais côté mais câble. Quoi faire? Alors j'ai pas tous les détails. Mais non, mais oui, il s'est mis la prise Lightning. Ah, c'est vrai, j'ai mal. Attends, il s'est mis où? Pas le bloc. C'est là où normalement ta flûte à bascule là. Serre normalement. Oui. Non, le tout petit des derniers iPhone. Non, non, c'est un chargeur, un chargeur. Il s'est connecté la teub. Alors, vous voulez toute l'histoire? Oui. Parce que oui et non. Et on veut le biopic du mec. Et t'as une photo? Parce que ça, alors j'ai... Non, on veut pas la photo. Moi, j'ai vu une vidéo d'un mec qui se mettait trois piles AA dans l'urètre. Donc, une prise. Si. AA, le même, hein, d'ailleurs. Ouais. Alors, sachez que cette histoire a de nombreux rebondissements. Okay. Et que peut-être ce sera adapté effectivement également sur Netflix, un petit Amazon original. Avant mon histoire de faux followers, ouais. Je pense pas. En fait, c'est le même, dis-toi. C'est là qu'il. C'est le même gars. Alors... La saison 2 de True Story, il raconte ça. Ah oui, c'est marrant. Bon, alors j'étais là avec mon chargeur. Non, non, mais arrête tout de suite. Bon, Jonathan Cohen, Ludo, à la réal. Comment je filme ça, moi? Alors, ça, c'est le The Mirror qui relate cette histoire. Alors, ça commence par les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et j'ai envie de dire que ça peut se discuter un peu quand même de temps en temps. Les plaisirs sexuels de cet Indien de 30 ans sont tout à fait discutables puisqu'il s'est retrouvé dans les aux urgences. Ah bah donc ils disent que c'est discutable maintenant. Ils sont. Ok. Avec cet article n'a aucun sens. Avec le câble d'un chargeur de smartphone dans la vessie. Quoi? Ça allait loin. Comment l'objet s'est retrouvé ici? Ah mais il s'est fait une sonde urinaire. En réalité, l'homme prenait plaisir à s'enfoncer dans le pénis un câble de chargeur d'iPhone. Cependant, il a expliqué au médecin qu'il l'avait avalé. S'en est alors suivi des tonnes de recherches afin de comprendre le pourquoi du comment. Il a menti. Nous aurions pu supprimer l'opération s'il nous avait dit la vérité. Le patient est venu vers nous avec de fortes douleurs abdominales et nous a dit qu'il avait consommé un câble par erreur, par voie orale. Nous avons examiné ses selles et effectué une endoscopie également, mais nous n'avons pu trouver le câble. Quand nous l'avons opéré, il n'y avait rien dans son tractus gastro-intestinal. Ça lui faisait du bien. C'est un type de masturbation appelé sondage urétral, qui est l'insertion d'un objet ou d'un liquide dans l'urètre. Dis alors votre avis sur... La personne était venue nous voir 5 jours après avoir inséré le câble. Il nous a dit à plusieurs reprises qu'il en avait consommé par la bouche et nous avions imaginé qu'un adulte mentirait sur une... Nous n'avions pas imaginé qu'un adulte pourrait mentir sur une telle chose. En vérité... Un adulte qui était enfoncé dans l'urètre. Et alors, grosse surprise. Méconnaissance du corps humain, mec, quand même. Bah, ça va dans la vessie, non? Même pas. Le câble en question mesurait 60 cm. Allez, et voici la petite radio. Mais il est bien, ça l'a dit, beau câble management. Oui. Bien plié. C'est pas comme les écouteurs que tu mets dans ta poche et qui sont tout enroulés. Ouais, là, c'est vraiment. Peut-être que ce mec a un super pouvoir en vrai. Dès qu'il se met un truc dans la vessie. Non, mais il faut savoir que c'est comme ça que tu peux le mieux le ranger, c'est en le mettant dans ton urètre. Si tu veux pas abîmer, si tu veux pas que le câble se dénude. Ça passe par l'urètre. N'empêche, tous ces gars qui te disent « Ouais, t'as pas un chargeur d'iPhone ?» Lui, techniquement, il pouvait dire « Oui. » J'en ai un sur moi. Bah, sois donne. Patient. C'est plus compliqué que ça. On passe au reste de l'actualité. Waouh. Il s'agit du flow de cast. Ouais, j'ai des petites chicoles, ouais. Mais mec, préviens quand tu fais... Ouais, j'ai détruit vos oreilles. J'ai encore un petit peu de recherche. C'est l'anniversaire de la page de soutien à Patrick et Isabelle Balkany. Et je tenais évidemment mais à souhaiter... Mon mère. Tu es de Levallois-Perret? Ah oui. Alors, sachez que pour fêter les 1 an, il y a une petite chanson qui a été faite par les fans de Patrick Balkany. Et je voulais qu'on leur offre un peu de SACD parce que nous sommes dans le partage, c'est des gens qui en ont besoin. C'est une blague. Non, c'est un vrai truc. Une petite ritournelle pour notre amie Isabelle. Wow. Une femme exceptionnelle. Ça rime toujours. Qui est entrée dans nos cœurs. Oh, vache. Coupé, de la prison. Un petit air angélique. Pas tant que ça. Pour notre ami Patrick. Encore moins. Un homme bien sympathique. Oh, okay. Alors, je l'ai déjà dit, mais je confirme que non. C'est l'inverse. Avec un sourire. esprit ravageur. Oula, il est amoureux de lui. Et c'est tous les jours l'été. Ça c'est la vie la plus belle. C'est vrai. Merci. Patrick et Isabelle. Patrick et Isabelle. Ah, parce qu'on a perdu Christophe, mais il reste des gens. Hein. Vache. Je chiale. Mais voilà, il la chair de poule. Ah, oui, pardon. Ah, bien sûr, c'est pas grave. Oui, parce que j'ai découvert ça pendant le confinement. Sachez que Patrick et Isabelle Balkany ont vraiment beaucoup de soutien, mais qui dépassent même le vous faites des choses pour notre ville. C'est une mafia. C'est vous êtes vraiment un beau couple. Non, mais là, c'est à dire que ça dépasse. C'est un peu comme un truc de télé-réalité. Quoi. Comme une sorte de Bonnie and Clyde. C'est un peu notre Meghan et j'ai oublié le nom. C'est les Kardashians de Levallois. Alors, je suis obligé du coup de contrebalancer les propos tenus dans cette chanson. Parce que déjà, ils vont en prison, donc ça... Oui, c'est pas fait hein, encore, voilà, mais oui, voilà. Dans l'idée. Oui. Et moi, j'ai ma pire interview que j'ai pu faire, parce que j'étais JRI, je l'ai déjà raconté dans 300 vues, mais c'est que j'ai interviewé Patrick Balkany, c'était la pire personne sur la planète Terre que j'ai pu interviewer. En plus, on m'a tellement mal parlé, c'était fou. Genre Patrick t'as mal parlé. Moi, je travaillais pour 20minutes.fr et du coup, je faisais toutes les vidéos. Dès qu'il y avait une vidéo, un reportage, n'importe quoi, je prenais ma caméra et j'y allais souvent avec un journaliste. Ouais. Et quand les gens venaient à 20minutes.fr, enfin voilà, on me filait des questions et j'allais prendre la personne et j'avais posé quelques questions. Ouais. Et les gens étaient plus ou moins sympas, tu vois, il y avait des artistes, il y avait des ministres, etc. Quand soudain arrive Patrick Balkany et ce mec m'enchaîne littéralement. Genre, vous êtes quoi, stagiaire à faire le truc là, c'est bon, c'est quoi les questions, c'est parti, tu vois. Vraiment, il me dit, il me parlait personnellement du genre, mais s'il faut trouver un vrai métier, etc. Tu vois, il voulait vraiment diguer des informations personnelles pour que je me sente mal. Et là il est très fort, c'est que dès que j'ai fait rec, grand sourire ravageur, comme c'est dit dans la chanson. Et vraiment, je posais mes questions, tu vois, avec les dents un peu serrées. Et après, quand j'ai arrêté d'enregistrer, il est reparti, il m'a enchaîné, tu vois. Ah ouais. Il me parlait comme une grosse merde. Et c'est là, je me suis dit. Semblant d'arrêter d'enregistrer. Buzz. Une petite pensée pour Grindry, qu'on n'a pas oublié malgré tout ce qui s'est passé. Mais pas dans la chanson, c'est vrai. N'empêche, Grindry, tu te rappelles ou pas que j'en parlais? T'en avais parlé dans un floodcast. Ah ouais? Ah ouais? Ah oui, oui, j'en souviens. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et alors, bon, expliquons pour les gens. Parce que moi, j'avais vu ce documentaire il y a 15 ans, quoi. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué, bah oui, ça marque. Genre, mais c'est ouf ce truc. Mais je pensais que c'était un truc connu, quoi. Mais en fait, quand c'est ressorti il y a pas longtemps. Parce qu'elle appelait son. C'est quoi? C'est son adjoint. Non, c'est un assistant. Voilà, homme à tout faire, un peu, en vérité. En vrai. Ouais, esclave. Le mot esclave, en fait, quand tu commences à faire des massages, c'est. Caché sous le bureau. Fais voir la convention collective. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai dos autour des frères Balkany, pas du tout, du couple Balkany, parce qu'il y a aussi un autre truc que moi j'avais lu et dont personne ne parle jamais, que je trouve fou, c'était la fellation avec le flingue. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire. Donc, qui est sur Libération.fr, qui date des années 90, il y avait eu une plainte contre Patrick Balkany, parce qu'il avait forcé une meuf c'est à lui faire une pipe avec un flingue qu'il avait collé sur sa tête, quoi. Je vous invite vraiment à lire l'article. Attends, qui est... c'est incroyable. Tu peux nous lire juste au moins la citation de la personne. Ouais, je vais vous lire. Bah, je vais vous lire vite fait l'article. Patrick Balkany, député RPR, donc évidemment, alors à l'époque, des Hauts-de-Seine et ex-maire de Levallois, parce qu'à l'époque il ne l'était plus, il est revenu derrière, parce que voilà. Sa compagne actuelle qui avait succédé dans la vie à son épouse Isabelle, parce que pareil, ils s'étaient séparés et puis ils s'est mis avec. Oh, c'est une grande histoire. C'est Roche et Rachel. Les Kardashians. Pardon, désolé, je l'ai coupé à part. Et donc, bref, amateur de cigares et de gauloiserie, ce bon vivant, parfois violent, aurait imposé dans la nuit de vendredi à samedi. Non, violent, il a dit non. Dans la nuit de vendredi à samedi, une fellation sous la menace d'une arme de poing dans l'appartement parisien que partageait le couple. Non, mais c'était sa meuf, à l'époque. La jeune femme, conseillère municipale à Boulogne-Billancourt, s'est rendue la nuit même à la première division de police judiciaire dont l'immeuble avoisine le sien. Le lendemain à 9h, l'homme politique assistait, lui, à un conseil municipal de Levallois consacré au budget de la ville. Il est apparu très à l'aise, ne cessant de passer des coups de fil sur son portable. Non, mais juste la façon dont c'est rédigé, c'est horrible, quoi. Ah bah c'est le bon vivant qui aime le bon vin et les cigares a violé une femme. Voilà, salut. Non, mais incroyable. Non, mais pardon, mais pourquoi ça a pas fait un scandale incroyable? Je crois qu'il n'y avait pas les réseaux. Imagine les casseroles qu'il a, si ça sort et que même. Mais c'est sorti, hein, mais apparemment peu de relief. Ah bah là, s'il y a un article écrit dessus, oui, j'imagine que c'est. Peu ça. De. Mais je vous invite à aller suivre sur Instagram, surtout Patrick. Ils ont. Patrick est sur Instagram. Ouais, il m'arrive parfois de lâcher un petit com, je vous le cache pas, parce que je suis dissident en fait. Ah oui, okay, ni plus ni moins. Moi, je me suis embrouillée avec Isabelle sur Twitter. C'était. C'est vrai. Ah mais je l'ai vu passer. Tu peux raconter ça, c'est très drôle. Mais parce que moi, je suis dans la bagarre. Bah déjà, c'est elle qui t'a acheté des followers. Et puis déjà, t'aimerais être maire de Levallois, donc déjà. Exactement. Non, mais en fait, ils ont fait un truc pour Noël que j'ai pas aimé du tout. Et bon, déjà, je peux pas les saquer, hein, vraiment. Mais ils ont mis des ânes, donc des vrais animaux, dehors, comme ça, dans leur crèche géante. Déjà, vraiment stop les crèches géantes. Enfin, je veux dire. Ou alors, mettez un gars déguisé en Jésus qui reste voilà. H24. Un intermittent avec un sabre laser. Et donc, ils avaient mis des ânes qui étaient là. Et moi, je suis passée, en fait, à minuit dans le parc de la mairie. Et c'était ouvert. Et tout le monde pouvait aller voir les ânes et faire ce que tu voulais avec. Vraiment, tu pouvais. Leur mettre un câble dans l'urètre. Voilà, exactement. Et ils étaient dans le froid. Personne n'était là pour les surveiller. Oh, je peux te dire que j'ai pris mon smartphone. Je suis allée sur les réseaux sociaux. Snowden à mes yeux. Alors là, j'ai fait hâte Isabelle Balkany, j'ai fait dis donc, et oh, hein, moi aussi j'ai un petit truc vert là, bleu qui dit que. Et elle, en fait, la meuf, je pense qu'elle n'allait pas me répondre, elle m'a répondu dans les 30 secondes. Alors qu'il était une elle a mat, que ça hein. à faire, ouais. Elle a que ça à faire. C'est pas elle un CM alors. C'est pas un CM. Non, et elle a c'est que ça à faire toute la journée. Et évidemment, c'était très agressif comme. Ouais, je m'en rappelle. Elle m'a dit les petits enfants qui n'ont pas l'occasion de voir des animaux, il faut bien comme. Oh là là. Pauvres oh là, ouais, petits enfants de Levallois qu'on connaît qui n'ont pas du tout de résidence secondaire à la campagne, par exemple. Je viens de voir le commentaire de Florent Bernard, donc je vais vous le. Sur une photo de Patrick Balkany. Ah merde. Donc c'est eux le couple qui sont avec des amis en terrasse, ok. Il a honte. Il y a écrit Patrick Balkany qui dit réouverture des terrasses du petit poussé de Levallois sur l'île de la Jatte. Tout le monde est grand sourire, etc. En dessous commentaire de Florent Bernard. Petit apéro sympa. Vous payez l'addition pour l'interrogation. J'imagine que non. Entre parenthèses, vu que vous n'êtes pas en prison alors que c'est votre place. Oh, c'est bien. Oui. Je t'invite à regarder plein d'autres. Il va couper. Non, mais non, j'assume. Tout d'abord, mon petit excusez-moi, running gag. Vous êtes de gauche 12, ou quoi là ? Il y a 12 j'aime. Non, mais mon petit maintenant, running gag, c'est leur faire des commentaires exactement parce que, donc tu l'as peut-être subi, ouais, Marjorie, il y a une véritable mafia ah, oui, autour de la crise où ils te défendent, où tu te fais défoncer. Bien sûr. En mode, ah ouais, vous faites ça. Et en fait, et à côté de ça, cette mafia, à chaque fois, dit. Tellement mignon le coup parce que tu vois mon commentaire mais tu verras les autres c'est bien c'est en genre ouais, hey, Patrick bon courage oh ça fait plaisir de voir Patrick souriant quand même tout ça et donc moi mon petit truc c'est d'imiter ce style et de leur dire allez en prison par contre voilà les fesses sous plein d'autres ça me fait beaucoup rire. Enfin, je scroll, il y a quand même beaucoup de insupportables et écœurants. Rends l'argent vilain. Je like. Pablito, c'est liké. Rends l'argent vilain. Après, c'était c'est le père fait. Vilain de Toulouse. Et oui, il y a des amusez-vous bien, profitez bien. Non, mais voilà, ça, j'ai découvert en tout cas les fans. Et les... c'est elle, c'est Isabelle Balkany qui gère la page Facebook officielle de Levallois. Et si t'as le malheur de dire un truc contre eux, bon, t'es expulsé de la page en fait. Ouais, et après, t'as plus les bons petits plans du marché, des machins, c'est fini ça. Elle te banne à la manière de Big Flo sur Twitch. Mafia. Avec la même mais violence. C'est dingue qu'il se passe des trucs sur Facebook en fait. T'sais, nous, on est plus trop au courant. Enfin, ouais. Et là, il y a tout un bail apparemment de gens qui, tu vois, qui font là les trucs sur Facebook. Qui sont extrêmement énervés contre les Balkany. Dans le reste de l'actu, les salles de cinéma vont réouvrir le 22 juin, et les quelques règles ont été annoncées. Alors je ne sais pas si vous les connaissez. Non. Le Mandamier, j'imagine. Le port du masque est vivement recommandé pour les clients dans le hall et les espaces de circulation, mais n'est pas obligatoire dans la salle. Toutefois, une place devra être laissée vacante de part et d'autre de chaque spectateur. Mais si tu viens en couple, c'est pas 4. Bah, justement, j'y viens. Regarde, les personnes si arrivées viens, ensemble, famille, couple, etc., peuvent s'asseoir côte à côte tant qu'une place vacante est laissée de part et d'autre du groupe dans la salle. Pour éviter les contacts, il est recommandé d'acheter des places sur Internet ou en paiement sans contact à la caisse. Les spectateurs sont invités à respecter une distance physique d'un mètre avec les autres spectateurs. Des messages de prévention sanitaire seront diffusés sur les écrans. Avant les mais ça devrait être tout le temps, c'est chiant les gens qui s'assoient à côté de toi au ciné là. Là c'est une place, merde. Mon alors, manteau, merde. Vous le savez, Cyprien l'a lu, j'ai un cœur d'homme de gauche. Vous le savez, bah j'ai à cœur de bousculer les puissants. Laisse surtout la ceux place, qui sont vilain. Condamnés en prison. Mais je fais vraiment un truc de droitard, c'est que moi j'ai la carte Ah oui, Adrien ah, tu déteste. Bloques deux places. J'ai la carte duo de Gaumont, donc je prends deux places. Et quand je vais au cinéma tout seul, je prends deux places pour avoir une petite place à côté de moi où je peux poser mon sac à dos. Et voilà. Bah oui, voilà. Ton sac à une place, quoi. C'est fou. C'est classe. Ça, je suis honnête, j'aurais pu le vendre. Je prends deux places pour finir le cinéma français. Est-ce que tu mets un petit sourire sur ton sac, tu sais, genre tu prends un feutre et tu déguises en chien. Tu l'incarnes un peu. S'il a une place, il peut peut-être avoir un prénom. C'est vraiment une place de ciné que tu pourras donner à un petit enfant de Levallois. Non, mais par contre, la dernière fois, la salle était blindée. Et bon, il y a un mec qui a dit je peux m'asseoir là. Et même, si, non, au, même si au fond de mon cœur, il y avait un truc genre bah, normalement, on réserve ses places. Donc normalement, c'est pas ça ta place. J'ai laissé ma place. Grand seigneur. Et là, voilà. Avec contact Balkanique. Avec le sac qui fait eh bah bravo voilà. Putain, c'est le... comme ça que tu me traites. Autre activité, alors là, qui a remué la toile, toujours un peu dans le cinéma. Il y a le film Les Blagues de Toto qui va sortir au cinéma. Et déjà Twitter s'agace. Alors moi je voulais juste dire un petit truc. Twitter s'agace. J'adore cette expression où Twitter est quelqu'un, tu sais. Alors là Twitter n'est pas content. Non mais parce que j'ai vu un truc beaucoup retweeté et je m'inscris en faux. Oh. Parce que j'ai vu quelqu'un dire oh bah super le cinéma français, alors ça donne beaucoup d'argent pour Les Blagues de Toto et ça donne rien pour Kaamelott le film. Et bien alors sachez qu'il y a beaucoup d'argent pour Kaamelott. Il y a beaucoup d'argent pour Kaamelott le film. Voilà, arrêtez. Le film des Blagues de Toto coûte beaucoup moins cher que Kaamelott le film, évidemment. Donc voilà, ne t'as vous les budgets pas. Pour comparer genre. Oui, ah bah alors apparemment, selon Google, suffisait d'une recherche Google, Les Blagues de Toto coûtent 7 millions et Kaamelott coûte aux alentours de 15 millions. Ah ouais, oui, voilà. Donc ça va. Voilà. Voilà. Donc quoi débarouler quand même 7 millions dans le gras, c'est la vie. 7 millions pour un film, Les Blagues à Toto. Oui, oui, mais alors après, il y a, y a Ramzi Bedia. C'est pas si cher, hein. C'est pas si cher, hein, 7 millions. Ils ont recréé Toto en 3D. Ouais. Et les blagues, ils ont recréé en 3D aussi. Alors, Toto c'est un animatronique pas si bien réussi d'ailleurs. C'est très Toto est doublé par Will Smith. Mais c'est ça le truc aussi qui fait que. Et non, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est pas juste pour faire des blagues. Par rapport à Toto, oh là là. C'est que j'ai travaillé sur un film Les Blagues de Toto et je me dis c'est quand même l'occasion d'en parler. Quoi? Eh bien, attends, écoutez, sur ce film-là? Alors pas sur ce film. Sachez, je vais vous raconter. Attends, il y a plusieurs films de Toto, attends, genre. Genre la guerre des boutons en mode. Ah oui. Toi, lui c'était c'est quel distributeur que tu. Lui c'était Les Blagues de Toto. Oh, toi t'es fourmise ou t'es mille et une pattes, tu vois? Il y a marre. C'était Les Blagues de Toto Reloaded. Ouais. Non mais moi c'était la version auteur, c'était Christophe Honoré. C'était complètement autre chose. Non non mais alors je vais vous expliquer l'histoire. Je vais pas tout dire. Dire tous les. Prends Toto, la vie c'est pas une blague. arrête Toto, qu'est-ce qui t'arrive? Les facéties de Toto, ça s'appelait. Non mais alors, je vais vous raconter toute l'histoire, pas tous les détails en vérité, parce que je sais pas si j'ai le droit de tout dire. Mais à une époque, on vient me voir, je travaille avec des producteurs et qui ça se passe très bien, c'est qui me disent voilà, on est en copro potentiel sur un film, sur Les Blagues de Toto, car on s'est rendu compte que Les Blagues de Toto étaient libres de droit. Ah, et quand non, tu es. C'est pas une bonne excuse. C'est pas, non, non, c'est bah, quand bon tu es producteur. Toujours pas une bonne idée. Pour l'instant, c'est toujours pas une bonne idée. Quand tu es producteur, ne pas payer de droits sur un film, c'est quand même une énorme économie. Puisque bah, faites un film sur l'annuaire aussi à non, ce moment-là. Les Blagues de Toto, tu profites d'une marque, mine de rien. Tu vois, tu te dis, t'es une grand-mère, tu veux emmener voir ton enfant au cinéma. Bon, bah, Blagues de Toto, ça paraît quand même le plus logique. Pire grand-mère. Pas forcément. Pire grand-mère. Ça dépend les blagues en même temps. Une grand-mère qu'on espère décéder du Covid, évidemment. Mais ça pourrait arriver. Et donc bref, on vient me voir et donc moi le scénario est déjà écrit. Okay. C'est une version et on me demande de réécrire sur le film. Des et blagues. Non, mais le film effectivement tend vers les blagues et. Et donc et t'as mis là... de la masturbation, non. Des trucs, t'es vraiment du Flaubert. Non mais c'est à 100%. Là où t'arrives dans des trucs de scénaristes qui moi me fascinent, peut-être pas vous, mais qui sont un peu des gymnastiques de cerveau un peu marrants. Tu t'as te dis mais comment film, faire? C'est devenu le Inception. Tu dis comment je vais faire parce que moi à l'époque quand on m'a fait bosser juste en 2017, donc ça a 3 ans. Donc je me dis vas-y, je vais essayer de faire vraiment un vrai film pour enfants. Moi je vois ça en me disant je vais pouvoir faire Maman j'ai raté l'avion / Denis la malice, tu vois. Mais c'est-à-dire tu dois réécrire la structure ou il y avait des trucs de structure et même de ton en fait. C'était un film qui il voulait remettre un peu et une, le titre aussi et les personnages. Et donc bref, je réécris sur le film et moi j'en fais un truc vraiment, je fais Denis la malice en fait. C'est-à-dire que l'histoire que moi j'avais, c'était de dire Anthony, tu vois, est avec sa famille, le père est jamais là, et ils doivent retourner dans une ville, je crois que c'était, on avait choisi, je crois, Angoulême ou un truc comme ça, pour, parce que la grand-mère fait des siennes à la maison de retraite. Pensez film pour enfants, hein, je suis en train de vous dire que j'ai écrit du Romère. Hein. Pensez film pour enfants. Et donc, du coup, en revenant s'occuper de la grand-mère qui fait n'importe quoi, le gamin se dit mais il faut que je fasse des conneries, comme ça mon père reviendra s'occuper de moi. Donc j'ai pas mis de bague de branlette, mais j'ai réussi à mettre des parents absents. Donc qui sont mon autre marotte. Et donc voilà, l'idée c'était de faire un truc de Denis Lamalice, un gars qui fait des conneries dans une école. Franchement, c'est une bonne idée. Et qui écrit, et on écrit, on récite par-delà les collèges les blagues que fait Toto, mais qui sont plus des trucs, à savoir emmerder les profs, verser de l'eau chaude sur, enfin bon voilà, de l'huile bouillante sur les sur la grand-mère, poignarder une CPE, enfin voilà. Voilà quoi, des trucs d'enfants, faire du harcèlement en ligne, des blagues quoi, des blagues. Et donc voilà, et donc on m'a et donc j'ai réécrit pendant deux versions je crois les blagues de Toto, le film. Et en fait, ils se sont rendus compte que un autre film sur les blagues de Toto était en train de se préparer, beaucoup plus avancé que le nôtre. La Ligue du LOL de Toto. Et qui, en l'occurrence, est adapté de la BD. C'est-à-dire que là, en fait, le film qui sort, c'est adapté de la BD des blagues de Toto, qui là, pour le coup, est déposée. Et qui est co-écrit avec... Non, mais en vrai, moi, je trouve que c'est une super idée pour les enfants. C'est, ta c'est... gueule. Ok. Non, mais... Flo, je suis Eric Flo, Flo, tu es Eric Zemmour, c'est tout ce que j'ai à te dire. Tu vois, toi, l'affiche et tu dis, bah tiens, j'ai un truc à raconter là-dessus. C'est ça qui est dingue, non, en fait. Non, non, non. Je me dis, moi déjà, je rêve d'écrire un film pour enfants. Et d'ailleurs, j'ai adoré écrire sur ce film. Et c'est vraiment pas de la langue de bois, j'ai vraiment pris un kiff monstrueux à écrire sur les blagues de Toto. Je sais que sur le papier, c'est fou, mais en vrai, je me suis amusé beaucoup. Et bah, change-le, tu fais les blagues. Non, mais c'est fini, ça a dégagé. De toute façon, le film n'existe plus. Maintenant, du coup, ça a été mis justement, à la tu poubelle. Récupères ton cerveau. Voilà. Non. Tu fais les blagues de. Mais non, mais parce qu'il y avait plein d'idées, il y avait plein d'idées qui étaient pas de moi, qui étaient des autres auteurs et où j'étais pas forcément. Est-ce que ça ouvre les portes? Est-ce que on fasse un film sur les blagues de Carambar, par exemple, peut-être? Eh bien, tu ne crois pas. Tu ne crois pas si bien dire, puisque nous passons à l'autre, à la prochaine séquence, qui est une séquence nouvelle que je teste avec vous, donc je suis pas sûr. Il s'agit du flow de cast. On en nouvelle séquence. C'était Jean-Pierre Mocky. C'était Jean-Pierre Mocky qui hurlait moteur. Nouvelle séquence. J'ai écrit un petit scénario que nous allons bosser combien de temps là, interpréter. Il y a eu un confinement. Ah, j'ai spoilé l'épreuve ou quoi? Il y a pas d'épreuve. Il y a pas de flow de cast pendant 6 mois après. C'est pour ça que vous êtes 6 hein, d'ailleurs. Hein, vraiment. Purée. Voici des textes. Non, lisez pas trop. Lisez mec, pas trop. T'as tellement bossé. Lisez pas trop. Merci. Il y a suffisamment de. Mais tu nous régales là ce soir. Je vous régale. Tu nous régales. Nouvelle séquence. Puisque. Je ne lis rien. Non, vous lisez rien. Après les blagues de Toto, le film, il y a un nouveau film qui va sortir au cinéma avec Marjorie Lenoir, Cyprien Yov, Justine Le Potier, Jérémy Detlo et Adrien Méniel. On écoute tout de suite. Le manoir. On écoute tout de suite, tu crois pas s'il va dire, on écoute manoir tout de suite. Deux. La bande-annonce. Les soirs d'Halloween, on joue à se faire peur. Bonbons ou friandises? Ah les filles, bienvenue. Waouh, elle est énorme ta baraque, Jason. Merci Rebecca, c'est celle de mon père. Il est mort, et... ça quel plaisir. Des plaisirs. Ça quel déplaisir. Ça quel déplaisir. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Jason? Je suis ravi que tu poses la question, Isabelle. Personne ne sait comment il est mort. Ma mère m'a toujours dit qu'il est mort en faisant ce qu'il aimait. Un secret familial. Wesh wesh les amis. Ah Pascal, on t'attendait. Elles sont là les filles? Dans le grenier, je crois qu'elles se doivent. Ah merde. Ça m'étonne pas d'elle, c'est le script hein. Non, c'est une impro de Jérémy Cyprien. Une nuit cauchemardesque. Vous avez pas entendu quelque chose? Alors il manque. T'as tourné la page? Faut non, tourner, c'est recto verso. Ah. Ah, c'est pour ça que je travaille pas au ciné. Faut arrêter de fumer la moquette, Rebecca. Grave, c'est clair. Non, mais je plaisante pas. J'ai entendu un bruit. Écoutez. Oh, j'ai mal. Genre, si c'est encore une de tes blagues, c'est pas drôle du tout. Mais arrête, moi quand je fais des blagues, je prends des accents, tu le sais. Oui, je sais, je sais, oui. Ça, je sais. Les mystères seront impénétrables. Et je ne parle pas de mystères au chocolat, mais bien d'événements étranges. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Mais qu'est-ce que c'est? C'est cartonné autour et il y a comme une sorte de papier à l'intérieur. C'est un livre, Rebecca. Waouh. Regardez, c'est écrit en araméen ancien. Quelle chance. Je parle couramment l'araméen ancien. Ça et le ch'timi. Ça dit, entre ces murs vit un fantôme biloute. Oh, que j'ai mal. Ah, biloute, par les scénaristes de Les Blagues de Toto le film. Mais qu'est-ce que vous nous voulez ? Je veux une attelle de bite. Pardon ? Une attelle de bite. Comme une attelle pour les doigts, mais pour la bite. Je suis très mal à l'aise. Ouais, pareil, l'ambiance retombe un peu, j'ai l'impression. Attendez, monsieur le fantôme, déjà, bonjour. Oh, oui, bonjour, pardon. Voilà la politesse. Et qu'est-ce que vous voulez dire par attelle de bite ? J'ai un problème. Putain, je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce que c'est. J'ai un problème qui fait que le bout de mon pénis me vire à droite. Un peu comme notre gouvernement, si vous voyez ce que je veux dire. Clin d'œil, clin d'œil. Oh, vous êtes politiquement engagé ? Oh, tout à fait. À cab, d'ailleurs. Nique le 17, nique les flics. Attendez, loin de moi de vous couper dans votre rébellion très à propos en ce moment, mais si je comprends bien, vous êtes... Le fantôme à la quéquette tordue. Oh oui, c'est moi. De mon vivant, je m'enfonçais dans mon urètre un câble d'iPhone afin de me procurer énormément de plaisir. Mais vous ne pouviez pas utiliser votre main, tout simplement? Ah, oui, pas con. Effectivement. Attendez une minute, mon père travaillait au Genius Bar. Jason, je suis ton père qui se branle avec des câbles d'iPhone dans le trou du pipi. Oh, je suis tellement émue. Papa, tu m'as tellement manqué. Mon fils, je pensais que tu savais. Tous les gens qui travaillent au Genius Bar sont obligés de s'enfoncer un câble d'iPhone dans l'urètre. Homme ou femme. C'est marrant parce qu'Apple communique pas du tout là-dessus. Et les femmes qui sont au Genius Bar? Elles se frappent les seins avec un iPad Pro. Papa, tu m'apprendrais à me branler avec un câble d'iPhone? Bien sûr, mon fils. On a tout notre temps. Jérémy Detto, Marjorie Le Nouan, Cyprien Yov, Justine Le Potier et Adrien Méniel. Le fantôme à la quéquette tordue. J'espère que personne n'a de l'oeil. Il s'agit du flot de casse. Voilà. Oui, tu l'as fait avec la voix du Père Noël. C'était le fantôme Père Noël. C'était un peu le mec de Fort Boyard aussi par moment. J'ai paniqué. Mais mec, t'écris bien. Alors sachez que tout le monde a découvert le texte. Enfin, vous l'avez sûrement senti, mais tout le monde, voilà, c'est incroyable. J'ai envie de le tester. Écoute, j'avais l'impression d'être en lecture chez Golden Moustache. Oh, ouais, en fait, totalement. Sans nouveauté. Ça me manquait un peu, donc je me suis dit qu'on va faire ça. C'est vraiment, c'est incroyable. Écoute, le travail accompli là. Si on peut faire un peu des petits sketchs à la con improvisés autour des actus. C'est le SNL en fait, là, vraiment. Je suis le SNL français. D'ailleurs, Gad Elmaleh va arriver à tout moment. Nous passons à la dernière partie. Déjà, la dernière partie. Non, avant-dernière partie, autant pour moi. Avant-dernière. Ascenseur émotionnel. On est tous un peu plus calmes. Les questions, puisque j'ai dit aux gens que vous étiez invités. Donc maintenant, il fait des screenshots des questions, il se les met dans un Google Doc. Non, mais j'ai un conducteur en fait. Je peux pas vous dire mieux. Eh, bah, c'est taffé. Je suis le Arthur du podcast. On est passé de SNL à Arthur, j'ai rien vu. Paf, paf. À quel moment? Je pense que t'es entre les deux en fait, Robert. Clairement en fait, j'essaie de. Une question pour Adrien Méniel, parce que c'est vrai que ça a été un peu. Pardon? Non. Ah, aucune envie? C'est dommage, ça gâche le rythme. Vas-y. Pour Adrien, parce que c'est vrai que ça a été ton gros truc du confinement, outre choper le Covid, hein, qui était aussi ton autre gros truc. C'est ça. Est-ce que Twitch te convient et comptes-tu t'y investir à l'avenir autant que ces premières semaines où c'est juste de passage? Ou est-ce juste de passage? Pardon. Alors. Je pense pas que ce soit juste de passage. Je pense que je vais continuer à le faire. Bah, tu continues déjà, non? Oui, déjà, voilà. Je continue maintenant. Mais moi, je vis toujours comme si c'était le confinement en fait. Donc, une fois que je serai déconfiné. T'étais là pendant 2 mois, tu fais bah, c'est mon mode de vie maintenant. Ouais. C'est la meilleure chose. Après, c'est pas comme si je sortais énormément d'habitude, mais là, bon, voilà. Et non, je pense que je vais continuer dans les jours à venir, les mois, etc. Mais. Je pense que quand je vais me remettre à bosser sérieusement, écrire sur des projets qui prennent du temps et tout, je vais sans doute avoir moins le temps de streamer. Et là, j'ai un rythme assez intense, quoi. Enfin, soutenu, disons. Et alors, est-ce que tu kiffes? Est-ce que... Parce non, que je déteste, c'est une torture. Oh non, il m'a mis face à mes propres questions, idiote. Non, mais est-ce que c'est un truc où tu t'épanouis? Ouais, mais déjà, dans un premier temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment tombé. Enfin, je pense qu'on a tous un peu dû trouver un truc à faire pendant le confinement un peu occupé l'esprit et sorti de tout ça. Et moi, c'était vraiment ça. Et à la base, moi, c'était la dernière chose que j'avais envie de faire. Je disais que les lives, ça me plaisait pas du tout. Ça t'angoissait. Ouais. Ça m'angoissait d'être trop confronté aux gens directement, de pas... Il y a un peu une perte de contrôle aussi, parce que ouais, c'est du direct et tout, donc c'était, ça, c'est les trucs qui m'angoissent. Mais en fait, justement, je pense que c'est aussi une bonne thérapie pour moi, qui essaye de justement être moins contrôle freak, et d'être plus dans la réaction et dans le réaction à l'imprévu. Et du coup, le live, pour ça, c'est cool, quoi. Et ça aussi, ça te calme sur le côté. Bah, si ça foire, c'est pas grave, quoi. Tout le monde s'en branle, en vrai, quoi. Donc, tout va bien, quoi. Cyprien, t'as repris pas mal aussi, toi. Alors, toi, t'as 301 vues, mais là, t'as fait des Twitch chez toi. Ouais, j'en ai fait, effectivement. Un peu pareil, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais tester ça. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas spécialement envie de faire des lives ou quoi, à la base, quoi. Mais il fallait juste quelque chose à faire, quoi. Et le jeu vidéo, c'était pas spécialement un truc que j'avais en tête. On a fait déjà beaucoup sur une chaîne y en a un peu, ouais, éponyme. du coup, là, je me suis mis au dessin. C'était aussi une manière de me reprendre un peu le dessin, quoi. Et d'ailleurs, j'ai lu dans les questions, il y a des gens qui te remerciaient parce qu'il y avait un truc un peu participatif, puisqu'en fait, les viewers pouvaient eux-mêmes aussi dessiner les mêmes défis que toi. Ouais, on faisait des sondages et tout. Et je disais, en fait, je faisais des croquis, par exemple, tu vois, ou même la thématique globalement. Et après, je disais, mais vous préférez cette position-là, cette position là, et ensuite je faisais des petits sondages et tout, et donc c'est cool. Et parfois les gens proposaient très souvent des idées nulles, tu vois, et parfois il y avait vraiment des trucs vraiment bien, quoi. Non, bah c'est, je viens de résumer internet, hein, mais très souvent j'ai hésité de demander, genre, non, ça je vous demande pas, de choisir le pire truc, et parfois je scrollais un peu les commentaires, je fais, ah putain, ça c'est mieux, ça va exactement, oh, vous me surprenez, vous me faites du bien à l'humanité. Voilà, merci internet. Le confinement a-t-il impacté vos carrières professionnelles et artistiques? J'ai envie de commencer par toi, Jérémy. Oui. Le mec, il prend des comédiens autour de la table. Alors, du coup. Non, mais parce que comédien, mais aussi auteur. Est-ce qu'il y a, il y a eu un recentrage? Est-ce qu'il y a eu des idées? Est-ce que... Moi, il y a eu un bad au début. Ouais. Genre, j'ai pas écrit pendant, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. Genre, tu faisais rien pendant 2 semaines? Enfin, je pensais à des idées. Genre, j'essayais, mais j'ai un bloqué. J'allais dans un chemin, je faisais un demi-tour. Et en vrai, au bout de deux semaines, genre, j'ai eu un déblocage. J'ai commencé à me remettre à écrire. Mais le début, il était compliqué. Parce que je me suis dit, où on va aller? Est-ce que ça sert encore à écrire? Enfin, est-ce que ça sert encore d'écrire pour la scène? Est-ce qu'on va revenir? Et du coup, c'était flou. Et du coup, j'avais du mal à me situer. Et après, au bout de 2 semaines, je me suis dit... T'as écrit quoi, genre? Enfin, t'as bossé sur quoi en écriture? Moi, j'ai eu une idée pour un court-métrage. Ok, trop bien. La fiction. J'ai réussi à retrouver de l'inspi pour Gus. Okay. Parce que, genre, je bossais sur ma Siri Audio. Et moi, quand je suis sur un gros truc, j'arrive pas à être sur plusieurs trucs, et dès que je me suis débarrassé de ce truc, j'ai fait Gus, oh, et c'est revenu, et puis quelques sketchs de sketch. En vrai, ça a été vraiment un truc de temple, la salle du temps de l'écriture. Ça a pris du temps, ça a pris quelques semaines. Marjorie, toi, t'as fait des vidéos sur ta chaîne? Est-ce que t'as eu des idées de trucs Les vidéos, ouais, j'étais motivée. Puis en fait, il y a un facteur, le fait que les gens soient confinés, ils regardent plus les vidéos. Donc moi, j'ai vu une montée dans mes stats. J'ai gagné pas mal d'abonnés. Malheureusement, c'était la vengeance de quelqu'un. C'est vrai que les gens qui se vengent de toi t'offrent des cadeaux, quoi. T'envoyais des pizzas. Non, mais attendez, laissez-moi expliquer pourquoi c'est pas un cadeau. Elle est revenue. Non, mais juste parce que les gens pourraient... Parce qu'en fait, quand tu travailles en tant que, bon, c'est nul ce mot, mais influenceur entre guillemets, et que tu fais des OP et des machins, les marques, elles vérifient si t'as acheté tes followers ou pas. Oui. Et si t'as acheté des followers, c'est mort, ils vont pas te... Bon, bref. Oh, c'était pas si intéressant mais comme arrête, précision. Arrête, non, mais voilà, c'était génial. Ah oui, ça je sais. Mais les vidéos c'était cool. Par contre, l'écriture, moi, pas du tout, parce que j'aime bien travailler dans les cafés. Ah oui. Gros problème en fait. Donc, tu veux dire par rapport à la fermeture? Très peu de cafés chez moi dans mon appartement. Donc, tu pouvais demander peut-être à quelqu'un de te dire, oui, excusez-moi, voici le mot de passe Wi-Fi. ce truc un peu de café, quoi. Ah, je vous encaisse maintenant. Maintenant, c'est la fin de mon service. Ouais, c'est ça. Vous avez pas vu une vidéo où un mec il s'est refait une petite ambiance ciné? Pour un truc où des gens, chez eux, ils se refaisaient des ambiances, genre l'ambiance métro. Sur les avec les bruitages et tout. Et tu vois que la meuf, elle a son manche à balai, je crois. Et puis Yasmine une bande son et elle fait salle de bain, salle de bain, salon, salon. Et elle, pourquoi les gens recréent le métro quoi. De tous les endroits que tu veux, c'est quoi la plage? Non, non, vraiment le métro, par exemple. Il y a eu, plein de trucs très créatifs. Ouais, hein, moi, y a eu des gens vraiment qui ont fait des trucs fous. Ouais. Ils ont vraiment pris la tête, qui ont fait des trucs de malade. Quoi. Audrey Pierrot qui a fait une photo artistique par jour. Elle est passée au JT de la 6. C'est vous dire à quel point ça. Elle passe de ouf, wesh. Justine, toi, t'as fait des. Alors, je le sais parce qu'elle a fait pour le potier internet un véritable micmac, je vous le dis, hein. Une véritable boumeuse, comme je le pense. On a un groupe WhatsApp avec des amis dont Justine et moi faisons partie et elle nous a envoyé un lien YouTube d'un casting qu'elle faisait pour un film. Non. Et donc, un lien YouTube, tu l'as vu, c'est très étonnamment, j'ai jamais passé autant d'essais que pendant le confinement. En vidéo. Des self-tapes. Ouais, genre. Exactement. Et je sais pas, j'imagine que c'est dû au confinement, mais vraiment j'en ai eu beaucoup. J'en ai pas eu un. Voilà. Ah, ouais. Et j'ai d'ailleurs eu la réponse il y a. En fait, c'est très bizarre parce que du coup, les directeurs de casting t'envoyaient des textes que t'apprenais et que t'envoyais. Et il s'est trouvé que c'était un premier rôle pour France 2 parmi tout ce magma. Donc je fais, attends, c'est beaucoup quand même là, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont rappelé, j'ai envoyé plusieurs tapes et ils m'ont rappelé là après le confinement en me disant en fait on aimerait bien te voir en vrai, est-ce que t'es d'accord dans les conditions sanitaires, etc. C'était dans celui que j'ai vu ou pas du tout? Et c'était celui que t'as vu. Oh parce que je me suis gourée dans le groupe, au lieu d'envoyer à mon agent, j'ai envoyé à Flo. Je sais pas si c'est un signe. Je comprenais pas, j'ai fait ouais, un avis. C'est pas mal, ouais, c'est bien. Sans aucun message. En fait, ce qui est fou, c'est que je m'en suis aperçue, j'ai fait merde, putain, j'ai envoyé dans le groupe, je l'ai supprimé. Mais avec l'effet miroir sur les téléphones, ils l'ont tous maté, mais c'est parce qu'en fait, elle a envoyé la vidéo et tu sais, dans WhatsApp, ça peut enregistrer directement sur oui, voilà. Bien donc, sûr, du coup, j'ai... Et donc, j'y suis allée là la semaine dernière et c'était très bizarre parce qu'il y avait donc la production, le directeur de casting, il y avait plusieurs caméras, on était microtés, donc je me suis dit, je l'ai. C'est des essais, je fais, c'est des essais cam. Et comme j'ai fait quand même de la télé avant, à chaque fois, on m'avait dit, quand on te fait revenir comme ça, ils font ça pour la chaîne, mais à chaque fois, nous, on savait que c'était toi et tout. Je fais, allez, j'y vais. Et je vois, là, et je fais mes essais, ça se passe bien. Et je vais voir la directrice de casting, je fais, tu viens, on va se prendre un café, maintenant c'est fini, tu te relaxes un peu. Elle fait, ah non, parce qu'en fait, moi, j'ai plein d'autres filles derrière que je dois voir. Dont Marion Cotillard. Et merde. Et en fait, non, on n'était plus que quatre et je suis arrivée troisième dauphine. Aïe, aïe, aïe. Attends, ils te disent carrément, genre, ouais. L'ordre. Ah ouais. Attends, mais ouais. Meuf, attends. Les préférences. Et une note. C'est fou, ça. T'as des réponses à tes castings. Non, mais des... Ouais, j'avoue là, déjà. Là, je suis choquée, en fait. Attends, mais on t'a vraiment dit, genre, ah, toi, t'étais la troisième préférence. Ah ouais, ouais. Généralement, on dit ça quand t'es en, quand t'es en finale, on dit ça hésitait entre By the way, les self-tapes, meilleure chose en fait. On peut le faire autant de fois qu'on veut, parce que c'est très humiliant les castings hein, finalement. Quand même. Oui, mais le cinéma, c'est aussi une rencontre. Ouais, j'adore faire une heure de transport en commun pour me faire juger et dénigrer. Et voilà. On me dit, t'as 31 ans. Moi, j'ai déjà eu le pire arrivé. Il fait je vais au casting. Et j'arrive, je rentre dans la main, il fait, mais c'est pas du tout le profil qu'on cherche. Le mec a pensé à voix haute. Bon, je vais y aller alors, ça m'a fait plaisir. J'ai bugué. Après, il fait. C'est pour le rôle de Charlemagne. Après, il m'a fait. Après, il me fait, vas-y. Bon, t'es mère de famille, du coup. Maintenant que t'es là. Jérémy Declo, vas-y, parle-moi de ton gamin. Fais pas attention, je vais dégueuler pendant ta prise. Quel enfer, mais ça vous mais ils ont aucun fil, c'est ça que j'adore. On en a déjà parlé pas mal dans Floodcast, mais dans Floodcast, mais les castings, il y a vraiment un truc de. Moi, on a fait une série, hein, on a fait une série. Non, mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour les comédiens parce que je trouve que c'est le plus dur, quoi. C'est vraiment pire que le tournage, quoi. C'est vrai que le tournage, tout va bien. Mais moi, il y a des trucs où j'ai déjà été pris, mais si j'avais dû passer un casting, c'est sûr que j'aurais pas eu le rôle. Tellement que c'est un autre exercice, un autre truc. C'est vraiment un délire. Des fois, t'as le rôle et après, ils annulent. Pardon. Non. Si ça m'est déjà arrivé. Marjo, tout ce que tu racontes est trop triste. T'es Avatar en plus. Pas de bol. Après, j'ai des anecdotes positives, mais vous voulez les couper au montage. Donc, enfin, voilà. Inside joke. Cyprien, est-ce que dans toutes les nouvelles choses que tu fais, podcast, pas nouvelles de ouf, mais bon, podcast, court-métrage, BD, série audio, il y en a une qui t'épanouit particulièrement ou est-ce que c'est changeant selon les projets? C'est ouais. Moi, j'ai plusieurs choses en même temps. Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien, tu sais, faire une seule chose et tout. Et non, en fait, parfois tu avances sur un truc et puis dès que t'arrives sur un truc qui coince, tu fais, eh ben c'est pas grave, je vais changer de projet, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça, tu vois. La vie, quoi. Moi, je suis un peu pareil. Ça me rassure même. Ouais, c'est en fait, je crois que ça me stresserait. C'est pour ça que c'est intéressant, Jérémy, que toi tu dises, t'as besoin de te focus de ouf, parce que moi, c'est en fait, quand je suis sur plusieurs trucs, je suis quand même focus sur chaque truc. Mais c'est vrai que de me dire que j'ai que ça, je sais que ça m'angoisserait beaucoup. Ouais. Et que toutes les idées, je les jugerais beaucoup plus vite. Alors que là, il y a un truc de bon, vas-y, je remplis, j'écris un scénario, je l'envoie. Et je fais un autre truc. Et quand il me le renvoie, je fais ah quoi ? Ah oui, c'est vrai, j'ai écrit ça. Enfin, il y a un peu un truc qui sacralise, en fait, bizarrement, d'être sur plein de trucs. Et c'est vrai que là, par exemple, j'attends des retours sur deux, trois trucs. Et d'un coup, ça y est, je suis angoissé, quoi. C'est-à-dire que j'ai plus qu'un truc qui avance, quoi. Moi, ça me fait ça parce que si j'ai la scène, donc en vrai, quand. Oui, tu fais quand même plusieurs choses. En vrai, j'ai ça. Ouais, mais je veux dire, tous les soirs, enfin, tout, à chaque fois quand que tu joues. Quand j'écris un scénar sur vidéo, c'est vrai que j'aime pas passer d'une histoire à l'autre, mais c'est vrai que je passe par la scène, du coup, mon cerveau, il fait un peu la même mécanique. Je trouve que dans tous les projets, t'as toujours un moment où tu coinces un peu, tu vois. Ça peut être à n'importe quel moment, tu vois. Et là, par exemple, en ce moment, je bosse sur une post-prod d'un truc, tu vois, plus prépa d'un dessin animé, et je vois sur le dessin animé, il y a des trucs qui n'ont pas été compris, etc. Et je fais, bah, c'est pas grave, on va continuer à écrire ce truc-là, ou refaire un peu post-prod. Enfin, tu vois, dès qu'il y a un truc qui coince, j'en fais pas toute une histoire parce qu'il n'y a pas tout mon monde qui s'effondre à cause d'un truc qui coince. C'est que j'ai, oh, bah, je vais avancer ça, c'est plus sympa. Et puis après, je reviens, je fais, ah oui, c'est vrai que ça a coincé, bon, bah tu vois. Oui, et tu te détends en fait. Enfin, y a aussi un truc, mine de rien, où quand tu reviens sur le problème, c'est moins un problème parce que tu as le temps de faire autre chose. Quoi. Donc, ça, c'est très bien. Voilà. Jérémy, série audio également, peux-tu nous parler un peu de cette série audio Fantasia Story. Hey, welcome into the game. Cybelle, c'est sorti. Et en fait, c'est un concept que j'avais créé à la base sur Snap. D'accord. Où en gros, un jour, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait plein de fils différents et tout. Et en fait, à chaque fois, je voyais les fils qui sortaient. Et en fonction des différents personnages qu'il y avait, je créais une histoire et tous les jours, je faisais ça. Et au début, j'en ai fait juste parce que ça me fait rire de voir ma tête en tomate. J'ai créé une histoire autour de ça et tout. Et après, il y a Ivy qui m'avait écrit « trop marrant ». Et du coup, je me suis dit, vas-y. J'étais juste mis trop marrant. Trop marrant, en gros, il m'a dit, c'est énorme marrant. Pour Evie. Et je me suis dit, vas-y, ça me fait rire, pour le faire déconner, je vais en faire d'autres. Et après, j'ai vu des gens qui commençaient à vraiment kiffer, à dire, ouais, petit croustillant, il devient quoi, nanana. Et du coup, ça a parti sur 13 épisodes. Et j'étais à fond dedans. Je commençais à avoir mes. Des petits articles, les premiers trucs ça faisait Jérémy du Whoop et pas le mec du Whoop. Et du coup un jour le personnage principal qui s'appelle Petit Croustillant et de la princesse, ça se passe dans un royaume médiéval et tout, et du jour au lendemain mon filtre, ils l'ont pris, ils l'ont dégagé. Et du coup je perds mon acteur principal. Je perds mon amusement, mon truc que Paul j'ai Walker, créé et tout. Paul Walker pour moi. J'ai eu Paul Walker de ces petits croustillants, okay. Le filtre. Et en fait, ouais, surtout, c'est un truc face cam, et tout se faisait un peu beaucoup par l'imaginaire et tout. Ça date de 3 ans, il y a 3 ans. Et je commençais à me dire, et genre, je continue à recevoir des messages, à des répliques de Petit Croustillant et de la princesse et tout. Et je fais, putain, les gens, ils lâchent pas le truc. Mmh. Et vraiment, c'était des fois, je recevais des gens, ils étaient au lycée ou au collège, et ils regardaient l'épisode à la cantine ou pendant leur pause et tout. Et je me suis dit, j'avais sorti des t-shirts où j'ai mis la tête de Petit Croustillant et j'ai vu il y a des achats et j'ai fait non, les gens ils aiment trop, je peux pas le laisser comme ça. Et je gagne trop d'argent là, t'as sorti de la merch. Ça m'a, en fait, quand j'ai reçu des photos des mecs, en plus des darons, des avec des moustaches. Avec des moustaches et tout, des qui Américains. Avec le t-shirt Petit Croustillant et tout. Kenny West, là, ouais, ça a été la bascule. C'est trop marrant. C'est trop Trump. Marrant. Et du coup, je parle de ça fin 2019 avec Haroun Montréal, avec qui je travaille sur ma chaîne. Et je lui dis, j'aimerais trop reprendre, je sais pas, faire un podcast. Et en plus, comme j'avais tourné dans le mystère de Saint-Jacques et tout, j'ai eu l'expérience. J'ai fait, putain, en fait, tu peux faire des trucs. Enfin, j'aime bien. J'avais kiffé le rendu et tout. Et le lendemain, il y a Cybelle qui m'appelle, il fait « Ouais, on aimerait bien… » À la base, c'était juste un placement de produit. Il fait « Si, t'as un truc, on aime bien ce que tu fais. » Et là, bam, petit coup. Et alignement des planètes. Et je lui dis « J'ai un truc, on peut en parler. » On s'est vu, on en a parlé, ils ont validé. Et du coup, je me suis lancé dans ce truc-là. Et puis, 10 épisodes de… entre 9 et 10 minutes, et je fais toutes les voix, donc un schizophrène. En fait, j'avais demandé un budget, et quand je me suis rendu compte du taf que c'était, j'aurais dû demander plus. Vraiment, ça a duré plus de 2 semaines d'enregistrement. Ouais, les gens se rendent pas compte. Enfin, toi, Cyprien, t'as fait aussi une série. Ouais, mais moi, j'avais des comédiens. Enfin, j'incarnais. Ouais. Saison 2, j'incarne deux persos, mais c'est. Non, mais quoi qu'il arrive, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps et de l'argent. En fait, c'est la post-prod et tout ça. Ouais. Et quand tu payes les comédiens, donc finalement, t'as bien fait de, de faire tous les personnages. tu te coûtes pas cher, en fait. Il y a un gars, c'est Léo, mais j'ai pas pu faire ce que je voulais parce que c'était pendant la grève où tout le monde était bloqué, plus de métro. Et j'ai juste, parce qu'on était à côté. Fais, viens vite. Fais deux voix, une voix. Allez, 10 minutes. Repars dans ton tournage. Mais sinon, mais c'était un vrai kiff de bosser sur un truc. L'audio, c'est en main. Hein. Enfin, c'est ouf. Genre, mais ouais. Mais là, je transforme en dessin animé, donc je fais marche arrière. je transforme ça en. Mais l'épopée ou... Ouais, l'épopée temporelle. Trop bien. À la fin de l'année. Oh là là. Sur ma chaîne YouTube. La première fois que vous l'avez entendu, c'est dans Floodcast. Non, j'en parle très régulièrement dans mes lives. La première fois que vous en parlez dans Floodcast. C'est dans Floodcast. Marjorie Lenoir. Hein. Oui, j'essaie de raconter un truc pas triste. C'est pas Je t'ai découvert. Grâce à Adrien Méniel et une vidéo de gaming que vous avez fait ensemble. Quoi ? Comptes-tu faire d'autres vidéos de gaming ? Je trouvais ça très amusant. Alors, gaming, c'est très... C'était du rétro gaming. C'était du rétro gaming. C'est vrai, c'est vrai. On jouait à des jeux Atari, c'est ça, non ? Ouais. Est-ce que tu comptes en faire d'autres ? Ça fait des années que j'ai envie d'en faire, mais vu qu'à chaque fois, je me lance dans une activité que je ne poursuis pas, je pense que vraiment, très réalistement, je ne le ferai pas. Mais j'adore jouer et pourquoi pas ? Moi je trouvais ça très marrant, il y avait un peu ça un truc. Ça a l'air bien parti en tout cas. En fait, c'est tout le truc autour. En fait, si quelqu'un me fait le setup, ouais, si, mais ce qui n'arrivera pas, donc je le ferai pas moi-même, donc je le ferai pas. Sache que c'est vraiment la raison pour laquelle il n'y a pas autant de podcasts que j'aimerais. C'est que là, faut brancher ça, faut envoyer des textos, en fait. C'est trop compliqué. Stream. Ouais. Tu en fais du Twitch ? Non, mais non, je le ferai pas. Tellement galère à paramétrer. Mais c'était très rigolo à faire. C'était très rigolo à faire. Mais puis j'ai fait avec Adrien, il y a aucune autre personne au monde. Avec... Bah, c'est le Streamlord hein, de toute façon. Tu peux m'en inviter. Oh là là. Non, mais en plus, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi. Il y avait un peu un côté. Il y a Conan O'Brien qui fait ça aussi. Alors, Conan O'Brien, lui, vraiment, son concept, c'est qu'il est nul. Enfin, son jingle au début, c'est très marrant. C'est je ne joue jamais aux jeux vidéo, je ne suis pas bon aux jeux vidéo et je n'aime pas particulièrement ça. Et il joue à plein de jeux avec un vrai nerd qui, lui, pour le coup, est un gars de son équipe qui connaît tout, qui joue. Machin. Et il jouait à GTA tout au début. En plus de ça, il avait eu des petites exclus et tout, tu vois. Non, mais c'est ça. Et après, au bout d'un moment, on lui envoyait vraiment les jeux en avance et c'était le premier à les tester et tout. Et en fait, il a vraiment l'œil du gars qui s'en branle. Et c'est toujours marrant, un gars qui s'en bat les couilles. Du coup, il a tout le temps des pures vannes, puis c'est Conan O'Brien, donc c'est quand même un génie. Et donc voilà, moi je me suis buté à ça pendant le confinement, et voilà, ça m'y a fait penser. C'est notre cas Conan O'Brien à nous. Bah écoute, je vais chialer en fait. Cyprien, j'ai adoré Roger et ses humains. As-tu d'autres projets de bande dessinée ? Bah le tome 3 de la BD. Tout bonnement. Voilà, qui arrive. Tout que j'ai beau. Grâce au confinement, j'ai pu terminer. Parce que mon éditrice n'y croyait pas du tout. Elle me disait, ouais, il faudrait vraiment que tu avances sur le script. Je fais, oui, bien sûr. Ouais. Bah, on l'embrasse. Et après, quand il y a eu la pandémie, elle a dit, ce serait pas mal que genre, tu termines le tome 3 à l'écriture pendant ce confinement. Ouais. Et je lui fais, ouais, j'y crois pas trop. Et finalement, j'ai réussi à terminer. Quel stylé. Sachant que moi, on m'a fait ce coup de, là, il y a une pandémie, tu peux en profiter. J'ai détesté à chaque fois. L'excuse de, bon, il y a le confinement, tu peux écrire. J'ai détesté. J'étais là, genre, je n'ai pas une excuse. Alors, moi, bossé, pour le ouais, coup, horrible. J'avais annulé mes tournages. J'ai détesté. J'ai vraiment. Du coup, j'ai pas fait aucun. Toi, t'as fait des vidéos, Marjo. Du coup, t'as profité. Ah bah, moi, j'ai rien tourné. Oui. J'ai fait 2-3 stories, mais c'est tout, tu vois. J'ai rien tourné sur ma chaîne YouTube. Il y avait rien. Et du coup, je me suis concentré vraiment sur de l'écriture, des trucs comme ça, et j'ai pu terminer. Mais personne n'a vécu le confinement de la même manière. Ouais. J'ai l'impression au niveau travail, il y a des gens qui étaient super inspirés. Moi, ça m'a motivé parce que je trouvais ça très. En fait, ça m'a enlevé des angoisses le fait de savoir que chacun est bien chez soi, bien enfermé dans ses petites cabanes, dans ses petites maisons. Tu sais, il y a ce truc où c'est plus facile d'écrire la nuit parfois parce que tu sais que tout le monde est inactif. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et ben là, c'était pareil. Moi, ça m'a fait l'inverse parce que j'étais réveillé par des travaux tous oui, les matins à 8h. Donc, du coup, l'angoisse. Alors, c'est pas terminé. Hein, sachez que ça continue. C'est horrible. Moi, je sais ça en ce moment, c'est horrible. C'est très compliqué. En plus, tu peux même pas tourner. Genre, t'es là. Ben non. Des réunions, moi. Des réunions où on m'a demandé. Excuse-moi, Flo, c'est horrible de te demander ça parce que c'est déjà dehors. Tu peux changer de pièce. Alors que t'es dans ton bureau, qui est vraiment la pièce pour bosser. Mais bon. Vous savez quoi, je suis de nature optimiste, mais j'ai découvert grâce à ça les boules qui est. Sachez que je n'avais jamais mis de boules qui est de ma vie. En journée Non, la nuit. Bah la nuit, pour me lever plus tard. Il faisait pas les travaux la nuit. Non, mais il faisait à 8h30. Oh. Et des fois, moi, je me levais à 9h, 10h, tu vois. Tu ne dors pas avec quelqu'un qui ronfle, Flo. C'est là où non, ça se voit. Non, ni moi, ni ma compagne ne ronflons. Oh, ne ronflons, c'est marrant à dire, ne ronflons. Et en fait, j'avais déjà mis des boules qui est, mais c'est pas un Pokémon, ouf. Je crois. Ouais. Et là, j'ai découvert vraiment les boules qui est en cire, enfin, genre qui épouse vraiment ton oreille. Bien. C'est incroyable, je veux ça tout le temps. C'est la discussion qu'on a. Là, on parle de boules qui est. Écoutez, ça va. Le Boobercast. Alors, les bouillottes, le bout sur les pieds là. Alors, je l'avais genre 5 minutes avant d'aller au lit. Mais vous êtes plus la nuit calme ou plus. Moi, c'est vraiment la nuit calme que j'adore. Camomille. Non, non, vraiment. Non, mais donc, du coup, et effectivement, les travaux c'était un peu compliqué. Mais sachez, on parlait tout à l'heure de mec qui fait livrer des pizzas. Moi, je suis quand même descendu avec un tournevis pour crever des pneus un matin où j'étais très énervé. Et je l'ai pas fait parce qu'en fait, après, je me suis dit, bah, c'est pas assez, c'est pas de la faute. Tellement descendre avec ton tournevis et faire, ouais, non, mais c'est vraiment ça. Mais c'était ridicule à la point. Réalité, quoi. C'était, j'ai pas le courage, mais vraiment ça. Le gars de Breaking Bad, donc pas le stylé, l'autre Aaron Paul, Jesse Pinkman, c'était vraiment ça, quoi. Tu sais, je tremblais du poing et après, j'ai fait, bah, non, je vais pas faire ça, c'est ridicule, je vais pas crever. En plus, eux n'ont rien fait, enfin, c'est pas leur faute, tu vois. Mais j'ai quand même les numéros de téléphone des gens qui ont demandé les travaux parce que j'ai fait une petite recherche d'investigation. J'ai le nom et le numéro de téléphone et je vous cache tu pas. Tu leur envoies des pizzas maintenant pour vous. Voilà. C'est possible que si vous allez dans les chiottes de Strasbourg-Saint-Denis, il y ait un numéro de téléphone. Non mais. J'adore cette petite alors, vengeance c'est là. Un peu nul. C'est du micro-terrorisme, j'adore. Comment opérez-vous lorsqu'il s'agit de noter des idées? Vous avez plusieurs supports, vous les centralisez au bout d'un moment. Justine Le Postier, je me suis toujours posé la question, quand on est comédienne, est-ce que c'est au feeling ou est-ce que des fois on se note des trucs de ah tiens, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui ont des petits tocs, est-ce qu'on est beaucoup dans l'observation? Tu parles dans l'écriture ou quand on joue? Là, pour le coup, c'était dans le jeu, je me posais la question, est-ce qu'il y a des fois où tu te dis ah tiens, ça c'est marrant, c'est vrai qu'il est. C'est quand je vois des films et que je vois des acteurs faire, je me dis ah là, je pense qu'il s'est inspiré ça. Par exemple, hier, je vous donne un exemple. Forrest Gump, s'il te plaît. J'ai regardé Forrest Gump. Bien joué. Non mais j'ai trouvé qu'il avait une attitude animale, que il a un côté comme s'il se déplaçait un peu comme un chien. Enfin, oui, mais ça c'est Turner et Hooch par contre. C'est pas très radiophonique ce que je fais, mais je trouve qu'il a un corps un peu et des réactions animales. Oui, quand il regarde, il y a un peu ce. Parce que là, vous voyez pas, mais là, elle est vraiment en train d'imiter un chien. Et j'imite Forrest Gump actuellement. Elle a sorti le costume. Donc voilà, c'est plus en regardant d'autres acteurs. Après, c'est quand même très rare qu'on ait des rôles de composition au point de noter des trucs. Ouais. C'est plus dans l'écriture, dans le jeu. Tu suis ce que dit le réalisateur. Je posais la question. Ouais, je t'en prie. Je rebondis sur le chien, mais genre Tyrell, son perso dans Groom, c'est un animal. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, j'ai eu à jouer Vincent Tyrell dans Groom. Et là, pour le coup, bah, c'était beaucoup de travail d'observation, hein, de regarder Vincent, comment il jouait le personnage. Alors expliquons, c'est un mini-spoil, mais il y a un épisode où le concept, c'est que des personnalités échangent de corps, et c'est toi et le personnage de Thomas. Donc, Martin et Thomas échangent leur personnalité. Donc Tyrell et toi. Et du voilà. coup, je joue le personnage de Thomas, donc, mais à la façon de Vincent. Et bon, après... C'était pas non plus Vincent, je le connais. On le côtoie depuis pas mal d'années. Ouais. Et tout, et donc du coup, mais c'était ouais, essayer de choper ses mimiques, le fait qu'il se retourne souvent, bah, un peu comme tu dis, comme un chien. Et en laissant traîner la bouche, il y a un peu sa bouche, elle se retourne une seconde après son visage, ce genre de truc. Et le sourire un peu comme ça, enfin, c'est pas très radiophonique, mais sourire en triangle. Ouais. Et ouais, donc ça c'était assez cool. C'était la première fois que j'avais vraiment à composer. Imiter quelqu'un, jouer quelqu'un vraiment quoi. T'as imité Mitterrand quand même. Encore un chien. Voilà. Oui, ça c'est le problème, par contre il joue tous les persos comme un chien. C'est vraiment. C'est mon secret, ça marche. Je remate The Office en ce moment et il y a un épisode où du coup t'as Dwight et Jim qui s'imitent et c'est vrai que. C'est trop bien de voir les comédiens faire des personnages, tu vois, c'est trop kiffant. Mais tu le fais très bien d'ailleurs, Adrien, dans l'épisode. Il y a aussi Vincent fait un truc. Cet épisode est génial. Et Vincent fait un truc super, puisqu'à un moment il joue Martin qui imite Thomas. Et donc du coup c'est assez fou parce qu'il se joue lui-même et un peu différemment. Peu mal, il le fait vraiment bien quoi. Il le fait vraiment bien. Voilà, ça c'était pour Tyrell. Voilà, un compliment pour ta gueule. Question pour Adrien et Florent. Justement, est-ce qu'il y aura un épisode spécial Groom saison 2? Bah oui, ça serait bien. On a envie, de le faire. Non mais oui, bah, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, donc on a envie de le faire. Là, je pense qu'on est au max de spectateurs. On a atteint tellement des sommets que je sais pas si ça va servir à grand-chose. Tu veux dire plus que les emmerdeurs? Je ne suis pas sûr. Ah, vous avez les chiffres de la saison 2, genre? Oui. Ah non, saison 2, pardon. Excuse non, on n'a pas. On n'a pas. J'ai parlé trop. Bah, vous avez les chiffres de la saison 2, c'est 0. Oh, that punchline. J'embrasse Valentin qui nous écoute et qui est en train de mordre son bras. Oh, c'est de bonne guerre. Oh, voilà. Rappelons Rose, emmerdeur. Bonne guerre. Oh, joli. Non, non, on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Enfin, je pense que Axel, Axel doit les avoir. Oui, Axel doit les avoir. Le showrunner de la série doit les avoir, mais nous, on ne les a pas. Mais on ne veut pas les avoir peut-être. Ouais. Attends, Non, mais là c'est gratuit en tout cas. Ça, c'est vrai que j'en profite pour leur placer. C'est vraiment pas cher gratuit. Il y a vraiment une série de 10 x 26 gratuite. C'est vraiment pas cher. C'est difficile de trouver moins cher. et justement, autour de la table, il y a plein de gens qui sont dans la saison 2. Je pense à Cyprien, je pense à Jérémy, je pense à Justine. Et ben j'ai encore une histoire triste en fait. Voilà, voilà. Ça, c'était parfait. Le tact, le tact. Ce... Ouais, ouais, bah, j'ai préparé un petit sketch. Tout, alors, tout le monde a participé saison, à Groom. Il y a une saison. Oh, pardon. Alors, l'urètre. Après, c'est pas un gros succès, voilà. Hein, Marjorie. T'as pas la peine de. Non, mais il y a une saison 3, non? Il y a une saison 3. Voilà. Tu es l'héroïne. Eh ben, je suis dispo. Ça s'appelle Groom le nom. Hein. C'est fou. On me pose une question, alors je la prends, pourquoi pas. Si on me demande si je suis intéressé par le développement de ma chaîne YouTube perso avec des courts-métrages, des sketchs, etc. Un peu dans le même esprit que peut faire Julien Pestel, ou c'est pas du tout en phase avec tes projets. Eh bien, cher Daniel, vu que tu as signé ta question, c'est pas du tout prévu. Et en fait, moi je suis quelqu'un d'assez paresseux. Et non. La produ... Non mais je veux dire... Mais ne dis pas ça, non, mais je n'aime... Flo, le mec, enfin... il a écrit un scénario de film. Je pense pas que je sois paresseux. Produire n'est pas un métier qui m'intéresse. Et même travailler avec des producteurs prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et moi, c'est vrai que j'ai goûté avec Golden Moustache, avec Studio Bagel et maintenant avec des productions de cinéma ou de télévision à... Tu ne gères absolument rien. Et j'aime vraiment beaucoup ça, de n'avoir absolument rien à gérer. Et que ce soit Julien Pestel, je pense aussi à MILTR, ou toi, Cip, ou Jérémy, même avec Gus, ou des choses comme ça. Même si on ne produit pas, il y a quand même un vrai travail, plus qu'auteur et réel, où tu dois quand même gérer plein de choses. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas vraiment le temps, et surtout, je n'ai pas la patience, en fait. Je n'ai pas la patience de le faire. Et je pense qu'en... Enfin, moi, Golden Moustache, Studio Bagel, si je cumule tous les sketchs que j'ai écrits pour eux, et je compte aussi ceux que j'ai réalisés et tout, j'avais déjà fait le calcul, il y a une quarantaine de sketchs. J'ai écrit à peu près 40-50 sketchs pour Bagel et Golden, tout cumulé. Donc moi, je suis vraiment pas fainéant, quoi. Non mais bon, évidemment, il y a toujours des idées de sketchs, mais là, j'avoue que dans cette période de ma vie, j'ai un peu fait le tour du format court. Et j'ai envie de raconter des histoires plus longues. On a fait... Je ne crois pas que tu aies fait le tour. Non, en l'occurrence, faire des trucs très très cons sur un podcast audio, c'est trop bien, j'adore. Mais pour de la vidéo, j'ai envie de raconter des histoires un peu plus longues et j'ai l'occasion de le faire. On a parlé d'Emmerdeur, on parle de Groom. J'ai écrit quelques projets de long métrage, des trucs qui ne sortiront jamais aussi, mais mine de rien, je m'amuse beaucoup à ne serait-ce que les écrire. Et je peux l'annoncer, enfin. Parce que voilà, petite annonce dans le podcast, je sors une bande dessinée en septembre. Oh, il n'y a pas un son pour ça? Michel Sardou. Michel Sardou. Bah oui, mais il dit non. Du coup, ça fait relou. Michel, Florian ne va rien sortir en septembre. Bah Florian, je sais pas, mais Florian en tête. Mais alors, c'est parce que j'ai vu que t'étais pas prêt. Attends, Michel, Florian ne va rien sortir en septembre. Non. Ah, merde, ça marche pas. Non, ouais, ça marche pas. Double négation ne fonctionne pas. Bah attends, je tente un autre son. Est-ce qu'il est fainéant Flaubert, est-ce qu'il est... Non. Sinon j'ai un autre son, mais je peux moins l'utiliser. Il y a des gens qui prennent les autos dans le sens inverse. Voilà, je peux moins l'utiliser. Pourquoi t'as pris ça? C'est très précis. C'est à quel moment il peut placer. Ça peut être métaphorique, mais... Est-ce que Marjorie tourne dans Groom ou Les Emmerdeurs? Non. Exactement. Donc oui, j'ai écrit une BD dessinée et mise en couleur par David Combet. Alors j'aurai l'occasion de vous en parler. Évidemment que je vais vous saouler à chaque émission pour vous en parler, parce qu'elle sort en septembre, donc j'ai le temps de vous en reparler. Ça s'appelle Oli et l'alien. Voilà. Il y a Roger et ses humains. Oli de Big Flo et Oli. Non. C'est Oli O2LIE. Il y a Roger et ses humains. Maintenant il y a Oli et l'alien. C'est un plagiat. Je vous le dis ni plus ni moins. Ça me redit le nom. Oli et l'alien. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. C'est la version Wish. Ni plus ni moins. S'il y avait la possession, genre, et son alien là peut-être. Ouais. Là, c'est vrai que c'est Roger et ses humains. Vous n'avez n'avez pas l'image, mais Cyprien a l'air furieux. Je suis tout rouge. Il envoie un texto à ses avocats. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. J'aimerais d'ailleurs, je pense, je vais faire un podcast spécial avec. C'est édité avec une case en moins chez Delcourt. Ouais. Donc je pense qu'on fera une émission avec Davy Mourier, avec David, le dessinateur. Enfin voilà, je pense, on aura l'occasion. Et ton éditeur du coup. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans la collection Une case en moins chez Delcourt. Voilà, on travaille dessus depuis maintenant pas mal de temps parce que ça prend beaucoup de temps en fait. En tout cas, moi de mon côté, c'est ma première BD donc ça a mis du temps. Mais je suis trop content, je la trouve très belle. Ça, je peux le dire parce que c'est vraiment tout le talent de David. J'espère que c'est drôle, j'espère que ça vous intéressera et ça sort. En septembre, j'ai plus le jour exact, j'aurai l'occasion de vous le dire. C'est le 12 septembre. Eh bien, je pose la question, va-t-il y avoir des séances de dédicaces? Bah, on l'espère. Alors, c'est pas. Il y a eu une pandémie mondiale, Cyprien, donc ouais. Je t'avoue, pour le moment, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une suite de disquettes? Non. Oula. Mais c'est vrai que c'était un peu notre projet, ça. Écoute, pour moi, j'écris un livre. Hein. Excusez-moi, mais. Il est dans ma bibliothèque. Quand je raconte aux autres, j'écris un livre. C'est vrai que c'est disquette, mais on a mis une disquette à la BD. C'est vrai, une belle disquette. Conjointement avec Marjorie, nous avons mis une magnifique disquette à la BD. Je me souviens de ce truc. Ouais, j'en ai beaucoup trop chez moi. Hein. Voilà. plusieurs. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, on mais en j'ai a reçu plein, ouais. Moi, j'en avais un. Ah ouais? Mais j'ai pas participé, mais on m'a filé un. Ouais, voilà, nous, on a participé. Du coup, toi aussi, t'en as beaucoup trop. Et oh. Moi j'en étais très fier parce que surtout parce que j'avais raconté une histoire dans Disquette comme toi, enfin on avait chacun une petite histoire. Moi mon histoire avait fini dans Spirou, ça j'étais trop fier. Ouais. Ça c'était trop stylé d'être dans Spirou, c'est quand même. Mais toutes, je crois qu'ils avaient mis tous les extraits. Peut-être toutes, mais moi ça m'a touché. Pardon, excuse-moi. Vu que c'était Dupuis, je crois qu'ils avaient. Bon allez. La mienne était en couleur quand même. Toute Flo. Non mais Flo, tu vas faire des dédicaces, c'est sûr. De toute façon oui, enfin c'est prévu. T'es youtubeur. Hein? T'es youtubeur. Geste non, barrière. Mais c'est prévu de ouf de faire des dédicaces, évidemment. Voilà. Il faut savoir que c'est genre hyper. Enfin, ça influe sur les ventes. Ah ouais, bien sûr. C'est comme les concerts. C'est vrai. François m'en parlait. Il me disait que quand il a sorti lui son manga sur Le Visiteur du Futur, tout à fait, et que entre le tome 1 où il a pas spécialement fait de dédicace et le tome 2 où il en a fait, les gens ont découvert le truc parce que je me déplace, je vais rencontrer les gens, etc. Donc c'est un conseil que je donne souvent aux gens qui ont lancé son petit beefsteak. Ne vous inquiétez pas que au prochain Floodcast Bataclan, il y aura un petit stand avec des BD à acheter. Évidemment. Et de la merch, encore une fois. Des casquettes. Ah, les casquettes. Énormément de merch. Alors non, les casquettes, parce que oui, effectivement, j'ai fait une petite story et j'ai offert à Adrien une casquette avec le logo Floodcast, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Ah ouais, tu vas pas. On verra. Mais pourquoi pas. Elle est trop belle. Mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait prévu. Mais pourquoi pas? Mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Mais pourquoi pas? Après, pourquoi pas? Elle coûterait combien? C'est prévu du coup 50 balles. Près de 200 E, tu m'entends? Voilà, bah écoutez, c'était toutes les questions que j'avais. Enfin, j'avais plein d'autres, mais bon, c'était des trucs sur. La vie intime. Tout n'était pas intéressant, mais. On passe à la toute dernière. Il est 3h du matin. On m'a promis une anecdote incroyable. Ah oui. Ah merci. Ah c'était ça. C'est ça ton. Ok pardon. Je comptais terminer sur ça. Ok pardon. J'ai eu peur. Non mais maintenant on a mis dans la tête des auditeurs une petite cerise sur un gâteau. J'ai envie que je ne sais pas si je la raconte bien. Mais bon. Non mais justement. Faisons-le avant. Tu as raison. Maintenant. Les gens dans l'ordre. Non mais on garde les gens là du coup. C'est du marketing. Ils allaient déconnecter là les gens. Ok, bon, au pire, on refaisait le sketch de la quéquette tordue. Hein. On pouvait les rechoper comme ça. Hein. Les rocos culturels, Adrien Méniel, que recommandes-tu à nos chers auditeurs pendant que mon chat fait un AVC devant mes yeux? Vraiment. Il dort paisible. Attends. Tu veux que je passe à quelqu'un d'autre, Adrien? Ouais, ça, c'est la petite spéciale de l'épisode. Je commence ça tout en par toi et à chaque fois, il y a un petit temps. Non, c'est bon, je l'ai. Je t'en supplie. Alors, moi, c'est sur la plateforme Itch, qui est une plateforme de jeux vidéo indé. Itch.io. Oui, mais c'est l'URL, mais la plateforme elle s'appelle. Bon, les geeks. Parce qu'il y a Nico, t'allais mettre des lunettes. Il y a un logiciel aussi comme Steam et tout, quoi. Itch. Elle va jouer avec ta Game Boy, le geek. Et ils sortent souvent des bundles, donc c'est-à-dire plusieurs jeux regroupés pour un prix intéressant. Et là, ils ont sorti le Bundle for Racial Justice and Equality. Dont je crois tous les profits vont à des associations voilà, qui luttent contre les inégalités raciales, etc. Totalement Flaubert. Enfin, qui luttent contre l'injustice, etc. Et c'est pour le minimum, donc on donne ce qu'on veut, mais le minimum, on peut l'acheter pour $5 et on a 742 jeux. C'est pas beaucoup en fait. Hein. Et moi je me disais moi perso j'ai pas fini Red Dead donc est-ce que je veux 742 jeux. Et je me disais les jeux ça va être un Tetris en mode texte ou alors tu cliques sur une photo puis il y a des yeux qui s'ouvrent et c'est ça le jeu tu vois. Et en fait non, il y a des vraiment c'était des, 7. Des non mais il y a des putains de dans le domaine des jeux indés des vrais jeux, il y a merde c'est oh je vais écorcher le nom. Je vais dire Lost in the Woods mais je crois que c'est pas du tout oui, ça. Oui, tu veux dire que c'est un peu comme le cinéma en fait, dans l'indé, il y a des trucs assez fou en non, fait. Non, mais je suis fan de jeux indés, donc je sais qu'il y en a des très bien, mais je me disais, 742 jeux. Chie-moi dans la gueule. Pour 5$. Non, mais pour 5$, je me disais, les gens n'ont pas forcément mis des jeux stylés, et en fait, il y a vraiment des jeux extrêmement stylés qui coûtent de l'argent, qui sont très bien et tout, et il y en a plein. Voilà, donc, et puis, bon, bah, du coup, c'est l'occasion de l'acheter, de l'offrir à des gens, etc. Parce que c'est en plus pour une bonne cause, en ouais. plus de penser juste pour sa gueule, c'est pour une bonne cause. Et c'est A Night in the Wood, voilà, ça m'est revenu. Ouais. C'est le jeu de où tu survis dans la forêt, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il l'a tenté. Non, mais voilà. Ah, c'était une blague ou Non, je sais qu'il y a un truc c'est un petit jeu très cartoon où en fait tu te balades, tu parles à des persos et tout. Ah, et c'est un chat? Oui, non. C'est ça. Ah, voilà, c'est ça, bon, c'est bon. L'honneur est sauf. Ah putain, ça, y a on allait te supprimer le gaming de Cyprien. Juste Cyprien, putain. Il y a Overland aussi, je sais pas si vous connaissez ce jeu, qui est là un jeu de survie pour le coup. Très beau, pareil. Il y a A Short Hike que j'avais recommandé dans un autre cas. Il y a ça. Il y a Gladiabots qui est un jeu que moi j'avais dans ma wishlist Steam. Fais les 700 s'il te plaît. Non, mais c'est un jeu où en gros tu construis des. C'est comme les bagarres de robots, je sais pas si vous avez vu ça. Oh, là, j'adore gros, ça, j'adore voilà, les vrais bah, moi. Bah là tu construis ton robot un peu en le disant et tu le programmes aussi. Il y a un système de programmation un peu simplifié. Et du coup tu programmes ton robot et après tu le mets et les robots se battent ensemble. Donc, trop bien. Bien. L'aspect violence j'adore. Il y a Céleste, je sais pas si vous connaissez Céleste. Putain. Céleste est dedans. Ouais. Je te dis, il y a vraiment des hits des jeux indés et 741 en plus quoi. C'est donc voilà, je vous recommande. Très très bien. Marjorie Lenoir. Quelque chose que tu as apprécié culturellement parlant, cinéma, théâtre, jeux vidéo. Un bundle de jeux peut-être. Un bundle de jeux. 743 jeux. Non, je vois jeux. Des jeux très très cons. Bon, déjà Last Days on Earth, là où t'es un mec, une meuf qui survit à des zombies. Bon, j'adore les zombies. Ah, oui. Attends, c'est quoi ce jeu? Last Days on Earth. Last Dance on Earth. C'est Michael Jordan qui bute des zombies. C'est Marocco, putain. Non, mais c'est. Ouais, voilà, non, mais rien. Tu coupes du bois, hein, beaucoup. Hein. Tu coupes beaucoup de bois quand même. C'est sur quoi? J'adore. C'est sur, Alors, t'as sur mobile ou sur PC ou Mac, je crois. La sensation de couper du bois. Non, ça, c'est intéressant. Franchement, il est plutôt bien foutu pour un jeu mobile et c'est ma passion. Vraiment, j'adore. Je coupe du bois, je construis ma maison, je me bats contre des gens, enfin c'est très très bien. Aussi 911 Operator. Oui. Ah, c'est pas le meilleur moment. Je vois le jeu, j'adore. J'ai passé mon confinement à sauver des vies en fait. Je vous le dis, des vies fictives certes. Contrairement aux vrais flics. Oh, oh là là. Pourquoi tu fais ce bruitage à la bouche? Tu pourrais l'avoir. Parce que je l'ai pas en vrai. Le gars il a investi dans une console de ouf. Parce qu'il sort vraiment du cœur. Il fait papapapa. C'est cela, oui, exactement. En fait, 911, donc bah, tu as un opérateur 911 et tu reçois des appels et tu dispatches les. Mais t'as des appels très réalistes en fait, c'est des acteurs machin. Donc c'est très angoissant. Bon, bah, moi j'adore. Et tu travailles en fait. Ouais, en fait, ouais, de ouf. Ils forment tu des payes gens. Pour jouer à ça, je crois. Attends, j'ai fait un autre truc, c'était parce encore que c'est pire. C'est des vrais appels. Hein. C'était un truc. Genre. T'es à l'accueil de Bouygues Télécom et tu dois aider des gens à brancher une box. À ce qui paraît, mais je sais pas si c'est vrai, ils recruteraient des gens. Dans les vrais services de 911 Operator, et parmi les meilleurs joueurs de ce jeu. Bon, je pense que c'est totalement faux. En fait. Les légendes qui font plaisir. Je sais pas pourquoi j'y crois. Parce qu'ils sont enlevés de côte pour et j'ai fait un autre jeu comme ça où il fallait sauver des vies, genre t'es médecin et tout, mais alors il fallait vraiment faire médecine avant. Ils te mettaient des notes interminables pour que t'apprennes à quoi correspond tel rythme cardiaque et tout. Bon, c'était chiant. Ça se voit que t'as envie de travailler, Marjo, quand même. J'adore ça se voit vraiment là. Là, une activité quelconque. Les jeux qui te donnent l'impression de vraiment faire un truc, tu vois, de vraiment avoir le métier et tout. Bref. Genre Mario Golf, où tu as l'impression d'être un golfeur. Non. C'est pire que j'ai pensé. Plombier à la limite. Enfin, j'aime bien être Spider-Man quand tu fais l'étoile. Quand tu fais ton métier. Non. Et c'était pas du tout Marocco en fait. C'était quoi Marocco? C'était Marocco, c'était. Tu t'allais en parler toi, le quoi? Truc de Michael Jordan, donc je te laisserai. Ah non, bah sinon, un podcast que j'aime bien qui s'appelle Distorsion et qui est fait par deux Québécois dont j'ai malheureusement oublié le nom. Et c'est très cool, ça parle des histoires. J'allais faire l'accent. Je me suis retenu, voilà. Mais c'est comme quoi. Ils nous le disent. Comme, oui, non, mais je suis honnête. Mais moi, je suis sincère avec mes auditeurs. Bah écoute, vas-y, fais l'accent. Non, non, non, bah non, là, vraiment, c'est une cata. Non, non, pardon, excuse-moi. Non, mais en fait, ils sont. Ils traitent des histoires mystérieuses liées à Internet. Donc, toutes les histoires qui ont émergé de Reddit ou des trucs un peu chelous. Les creepypasta. Les creepypasta ou des histoires de meurtres, genre les meurtres en direct sur Instagram. C'est pas du tout un creepypasta. C'est très creepy. Il y a des creepypasta et il y a d'autres trucs. C'est toutes les histoires un peu chelou d'internet, et c'est trop trop bien. C'est malin comme et voilà. En plus, ils sont québécois et tout. Et ils ont un accent et tout. Voilà. Si t'aimes les jeux ou qui te donnent l'impression de faire un métier, je te conseille Master of Pottery. Non, vraiment. J'aime déjà. Sur PC, j'aime déjà, c'est un jeu de poterie. C'est pour moi ça. J'ai streamé ce jeu. J'adore. Et, t'as vraiment de la glaive et tu fais ta poterie. Par contre, il me tout. Faut des objets, tu vois. Il me faut des objectifs sinon. Est-ce que je peux devenir Master of Pottery? Mais bien sûr. Non, mais Metallica d'ailleurs, un Master of Pottery. Je l'ai faite dans un. Ah bon vrai, ouais. Oh, mais faisons un podcast. Ah, ils se sont touchés la main. Ils viennent se faire un high five. Ça fait deux fois. Le geste n'est pas du tout barrière. Après, tu les exposes, tu les vends. Oh, mais je mets alors là tout de suite en fait. Tu les mets dans le four. Et bah merci, oui, merci à tous. Et tu les peins et tu débloques des trucs. Il y a le fantôme de Patrick Swayze. Tu peux améliorer ton four ? Génial. Je pense pas que tu peux améliorer le four. Mais moi par exemple, au début, là j'ai débloqué les anses et les couverts. Lourd. Ouais. J'ai envie de chialer. Et aussi la possibilité de mettre ses motifs perso. Donc tu peux faire des amphores ? Bah j'ai fait une amphore, j'ai fait un masque Frog. Elle est partie à combien ? Elle est amphore. Je sais plus. Sachant que c'est une amphore qui est moulée sur sa propre tub. Non mais refaisons une vidéo de gaming, faisons tout ça et puis voilà. Franchement, vraiment. Je vais chialer, bordel. Et aussi, il coûte 3,79€, je crois. Oui, mais tous ces jeux coûtent toujours précis dans les chiffres, moins de 3€. Ah oui, non mais il faut. Le monde est fait de précision. Non, mais j'aime bien dire que le gaming, ça peut être encore une activité qui ne coûte pas 80€. Mais quoi. Tous les jeux que je joue, moi, en ce moment, ils coûtent moins de 2€. Bah voilà. Voilà. Tu as bien raison. Cyprien. The Last Dance, le documentaire sur la NBA, oui, spécialement l'équipe de Chicago Bulls entre, je sais plus, du début 90s, jusqu'à 90s, voilà. Quoi. Et c'est, je connais rien au sport, à ce sport-là. Je connais rien en NBA. J'ai entendu parfois les trucs genre playoff, draft et tout ça. Et ce que tu disais hors antenne, alors que tu as rencontré Tony Parker, ce qui est quand même vraiment fou. J'ai vu un match de NBA, j'ai côtoyé Tony Parker, je ne connaissais pas son métier. Okay. Il m'a fallu vraiment. Par contre, plusieurs Balkany, années. Tu savais qui c'était. Balkany, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Tu savais qu'il a vu un premier love et tout, et qu'il balance pas mal, mais c'est tout. C'est tout ce que tu avais. En fait, Balkany a eu un premier love aussi, mais il l'a menacé. En l'agressant sexuellement. C'est deux salles, deux ambiances quand même. J'ai regardé beaucoup de documentaires et c'était toujours un peu glauque. Et j'avais enchaîné avant Tiger King, etc. Ou bien The Jinx, que j'ai vu il y a quelques années, tout ça, exceptionnel. Et j'en avais marre de ce truc un peu glauque dès que je regardais un documentaire. Et là, tu vois des gens qui sont talentueux les uns après les autres, tu vois. Donc Scottie Pippen, Dennis Rodman, tout le monde. Jerry Seinfeld à un moment. Et puis Phil Jackson aussi, le coach. Bugs Bunny, ah ouais, incroyable. Moi, exceptionnel. Tout le monde est incroyable dedans, c'est trop beau. J'ai acheté son bouquin après sur Audible, le bouquin de Phil Jackson où il raconte toutes les bagues de champion qu'il a gagné et tout. C'est trop intéressant. Donc voilà, donc le sport m'intéresse pas tant que ça, mais par contre des personnalités comme ça, et surtout tu vois Jordan et tu lui parles de trucs qui sont passés genre il y a des dizaines d'années et il t'en parle genre tu vois avec le chien encore. Ah ouais. À un moment il parle d'une guerre avec un des joueurs de Détroit là et donc le réalisateur il montre un bout d'interview et lui il serre les dents en mode comme si il allait se battre avec lui sur le terrain. Et là je suis en mode mais putain mais c'était il y a des dizaines d'années tu devrais et en fait non le mec il est et tu es multimilliardaire donc mais vraiment, ce qui est cool hein, je sais pas si t'as trouvé moi je trouve qu'il en sort pas avec une image non plus totalement positive enfin tu sens qu'il y a sa team presse qui a clairement c'était pas bip bip non mais c'est ça qui est cool en fait c'est que tu vois il y a des moments où il dit bah ouais j'étais un peu un connard des moments attends mais à un moment T'as raison parce que t'as Barack Obama qui dit ouais bon bah Jordan il aurait pu faire un peu mieux pour la cause tu vois de la diversité etc et je me suis dit imagine t'as Barack Obama qui te dit ça t'es en mode bah, du coup il a donné 100 millions là Michael ah oui j'ai vu ça mais tout le monde a dit ça quand tu t'es fait tailler par Obama derrière il a donné 100 millions genre ok c'est bon maintenant Barack ça va mieux donc voilà c'était Marocco je trouvais ça formidable je c'est 10 épisodes non c'est combien c'est 10 épisodes il y a 10 heures ça dure 10 heures en fait et exactement non, et c'est mon documentaire préféré aujourd'hui et si t'aimes pas en fait c'est trop cool avec Netflix c'est qu'ils mettent des fois des trucs où moi pareil que toi je connaissais pas trop le basket et j'ai aimé et de la même manière il y a un truc qui s'appelle Formula One sur Netflix donc sur la Formule 1 clairement j'en ai rien à foutre en fait. Et c'est le meilleur truc du monde. Vraiment, si vous regardez ça, vous allez c'est fou. J'ai eu pareil, moi j'ai eu pareil avec le petit Réori. J'étais pas fan d'Enfant Mort. Non mais c'est vrai, c'était pas mon truc. Et en fait, chambé. Top. Ouais. Non, c'est vrai, j'adore ça. Quoi. Bah, la perf quoi, la perf en fait. Et je pense que les athlètes et les sportifs de haut niveau, etc. Enfin, tu vois, comme ils dédient leur vie sur une passion et tout. Je pense d'une manière ou d'une autre, même si ton documentaire il est un peu flingué, il y a toujours un truc où tu fais ah putain c'est touchant. Mais moi je pense surtout que les, enfin t'as tout à fait raison. Sauf que là c'est Michael Jordan. Ouais, non mais t'as ce truc où les gens passionnés sont passionnants. Enfin, moi oui, c'est pour ça que j'écoute autant de podcasts. Moi c'est un mec qui me parlait avec passion des plateformes pétrolières pour aller travailler dessus. Pendant un moment je me suis imaginé aller le suivre dans le dans son délire. Est-ce qu'il y a un... Genre il me parlait, c'était dans il y a un jeu mobile pour ça. Arrête de travailler gratuitement. C'était à l'auto-école et il me parlait, il avait une il était concentré sur son objectif et quand il me parlait de trucs, c'était tellement kiffant, il en parlait tellement avec le cœur que pendant moi je fais putain, ça a l'air d'être bon délire. Je partirais bien sur une plateforme pétrolière. Je quitte la scène, je quitte le métier. C'est vrai quoi. Les gens passionnés sont passionnants. Sont très passionnants. Je suis le potier. Oh, pardon, Florent Bernard. Quelle est ta recommandation? Alors moi j'ai vu une série HBO sur OCS qui s'appelle Succession. Oui. Je sais pas. Oh, je vois qu'il y a des athlètes. Je l'ai pas vu mais je n'entends que du bien. Et en fait, alors il y a deux saisons que j'ai bouffées, que j'ai boulottées. Bouffeuse. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille richissime aux États-Unis de manière contemporaine, et qui le père de famille a fait un AVC, enfin un arrêt cardiaque, et du coup se battent pour avoir l'héritage. Et c'est vraiment dans le titre quand même, Succession. Enfin, c'est un petit indice. Bon titre d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que les ultra riches vivent, et les personnages sont tous horribles. Regarde pas du coup Cyprien, ça sert à rien. J'en ai marre de voir ça. Mais j'ai trouvé que voilà, c'est assez passionnant. Et j'ai vu un. Et alors, pardon, c'est très prisé. Enfin, j'ai ma meuf qui regarde ça. Tout le monde dit que c'est super. Moi, j'ai très peur des séries où personne est sympa. Enfin, moi, j'ai du mal à accrocher avec les séries où il y a vraiment pas. Tout le monde me dit que c'est quand même que des sales types énervants. Hein, quand même. C'est que des sales types énervants, mais en fait, ils sont tellement malheureux que tu as de l'empathie pour eux. Ouais, oui. C'est nuancé quand même, c'est bien fait. D'accord, t'as vu toi aussi Ouais, c'est alors, vraiment génial. Moi j'ai regardé par-dessus l'épaule de ma meuf, et pourquoi c'est filmé comme The Office? C'est vrai que c'est... Alors faut rentrer dedans, c'est très caméra embarquée, il y a des regards cam, etc. Ouais, il y a un... C'est complètement filmé comme The Office. Il y a Steve Carell. Sauf que... Tu regardes The Office. Sauf que oui, d'accord, c'est assez perturbant au début, mais tu vois, c'est parce que tu me le redis, sinon j'y aurais pas pensé. Moi, je pense à la structure, de comment est-ce qu'ils évoluent entre eux. Un peu à la Catherine Bigelow, là. Moi, j'ai juste vu genre 30 secondes, j'ai fait, mais c'est ça les images, tu vois. Exactement. Et je me suis dit, c'est un passage où c'est genre caméra embarquée. Elle fait, non, c'est comme ça, tu vois. Mais il mais y a des regards cam et tout. Ah ouais, t'as des regards cam et tout. Et il y a des discrayés. T'as des gros regards cam. Ouais, t'as des gros zooms où les mecs te. Je me souviens pas de ça. Bah, je crois pas, peut-être j'ai des regards cam. T'as pas regardé un streamer, un mec filmer une télé. Parce que c'est une fiction quand même. Ouais, mais il me semble qu'il y a des comme ça sort. Bah ouais, il y a des bruits de basse quand quelqu'un est gênant, ça va être. Non mais ça va être comme Jean enregistré. Jean du Jardin dans Un gars une fille quand il était gênant. Mais enfin Loulou. J'ai peut-être dit une connerie, il y a peut-être pas de regard. Non mais non, je crois pas. La série Modern Family. Non mais là c'est pas ça parce qu'en plus c'est un. C'est filmé documentaire. Il y a les gens qui sont sur le canapé qui parlent de regard cam. Vraiment, faudrait vérifier, mais je crois pas qu'il y ait de regard cam. Caméra embarquée, je veux bien, mais. Bon, on arrête. Allez, Justine, ça suffit. Mais il y a le frère de Malcolm, qui ne sais pas le dire. Voilà. Qui est super dans Scott Pilgrim. Et je suis sûr qu'il sera très bien aussi dans super. Ça. C'est le frère de Malcolm ouais. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils jouent ensemble de ouf. Mais enfin, bah, c'est des sosies. Maman, j'ai raté l'avion déjà. Ouais. Mais c'est la même personne, Fuller. Ils ont la même tête. Le quoi? Le cousin Fuller, celui qui pisse dans son j'ai vraiment entendu autre chose aussi. J'ai compris le gros enculeur. Il y a un gros enculeur. Non, mais ça, c'est Pestel. J'étais surpris de sa présence dans Maman, j'ai raté l'avion. Jérémy, moi, c'est un jeu que j'ai découvert pendant le confinement qui s'appelle Life After. C'est un truc post-apocalyptique et ça revient. J'arrête d'intervenir sur toutes les rencontres. Ça revient sur le gaming. C'est encore ton jeu que tu disais de survie, sauf que j'ai l'impression que c'est ça uploadé au maximum. Et en gros, t'as un camp sur les réseaux et c'est sur iPad, smartphone et ouais, tout, téléphone. Ça, ouais. Et c'est vraiment lourd. Genre, t'as un manoir, t'as. En plus, c'était le jeu, c'est il y a une épidémie. Donc, j'étais dans la pandémie, Et ouais. C'était ma petite pause quand j'arrivais plus à travailler et tout. Et c'est vraiment cool. Et du coup, dedans, ben, je me suis fait des vrais amis. Parce que comme tu joues en ligne, oui, c'est en ligne, c'est magnifique. T'as un camp, t'es 40 personnes, t'as ton manoir que tu peux. Enfin, donc là, t'as des bros qui. C'est vraiment un jeu. Genre, le jeu, il est vraiment bien fait. En plus, il est gratuit. Bien évidemment, tu peux payer pour avoir des plus beaux objets et tout. Mais t'as vraiment un manoir, t'as des maps. Pareil, tu dois aller chercher du bois, construire ton truc et tout. Et t'as un maire, et t'as. Quand tu construis ton camp, ben, t'es le maire et tu dois poser des taxes. On rejoint un Balkany qui sont allés en prison. Le jeu, il est développé. Tu peux mettre des ânes à Noël dans des parcs. Il y a des chevaux. Tu te prends des tweets. Oui, attention, j'arrive. Hein. Et du coup, genre, ouais, dans le truc. Et en gros, comme j'étais en confinement, tous les jours avec les joueurs, on se réunissait. Et du coup, avec les gens, il y a vraiment un lien. Un lien social. Ouais, trop bien. Du coup, c'est vraiment un très bon jeu gratuit et qui. Si vous aimez les jeux de survie. Et je peux rajouter un dernier truc, parce que ça me revient en reco, je suis toujours mauvaise. J'ai vu un film fou, toi tu vas adorer, qui s'appelle Swallow. Et c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Avalé ? Exactement. Le pitch, c'est l'histoire d'une... Swanarlo ? Non, rien à voir. Oh là là. C'est l'histoire d'une meuf qui a une maladie, je ne me souviens plus le nom, qui est... ingère des objets. Pardon, attends. Oh, j'adore. Ah, tout est lié avec l'urètre, j'imagine. C'est sorti à Sundance et c'est une maladie psychiatrique en fait et ça commence par l'ingestion de petits objets. C'est vraie maladie. C'est une fiction. Non, elle mange pas ses cheveux. Les jeux Kinder. Elle va manger. C'est une fiction sur une vraie maladie. Ouais. Et le film est fou, mais vraiment le film est incroyable. Donc allez voir Swallow. C'est un peu dérangeant. C'est dérangé jusqu'à un certain point quand elle commence à arriver sur des bouteilles ou des verres. Je ne dirais pas ce qu'elle avale. Des chargeurs iPhone, des armoires. Bon d'accord, soit l'eau. Et c'est dispo sur OCS non ou tu l'as téléchargé également? C'est bois de l'eau. Je l'ai vu au cinéma avant le confinement, donc je crois c'est franco-canadien, il me semble, un truc comme ça. C'est passé inaccessible. Tu veux faire l'accent? Ouais, tu peux prendre l'accent. C'est francophone. Je crois qu'il y a une histoire. Je sais plus quelle partie du film est française, mais voilà. D'accord. Tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu. D'invente. Vu au cinéma, je te dis. On touche à la fin de l'émission et je me tourne. Mais oui, et je me tourne vers Cyprien. Mais la reco de. Ta reco. Moi, j'ai pas de reco. J'ai pas de reco. Pardon. T'as fait ta reco, Adrien? Il a très envie de terminer ce podcast. Ta reco. Non, mais moi j'ai plein d'émissions. J'ai parlé de ma BD. C'est bon. On m'a assez entendu. C'est ta reco. Cyprien. Oui. Il y a une petite histoire derrière tout ça, puisque Cyprien est un fervent auditeur du Floodcast. Oui. Et ça me touche beaucoup. Et j'ai toujours galéré à t'inviter. Et enfin, tu es parmi nous. Et tu m'as toujours dit, je te réserve une petite anecdote sous le coude. Je vous explique. Un chien de que, il m'est arrivé une grosse loose. Et je me suis dit, c'est trop gênant pour que j'en parle à des potes. Genre, ah, il m'est arrivé ça. Et je me suis dit comment je pourrais. C'est un moment, il faut que ça sorte, tu vois. Voilà, l'exorcisme. Et voilà. Donc je l'ai parlé à ma meuf. Et ma meuf m'a dit mais pourquoi c'est arrivé ça. Et après je me suis dit bon, je vais le garder. Où, à quel endroit les gens racontent des trucs un peu gênants. Et du coup j'ai pensé. Bienvenue. Bienvenue. J'éteins la lumière, j'allume un feu. Ok, c'est parti. C'est ma plus grosse lose ever. Okay. Déjà, c'est le moment le plus gênant de ma vie. Il y a pas plus. Et t'es sûr que t'as envie de le dire à tout le monde? Après, ce sera à toi, Marjorie. Tu nous parlais de ce que tu n'avais dit hors antenne. Aucun problème. Pour peut-être vous aider dans un peu les images de ce truc-là, est-ce que vous connaissez Jacques Gamblin, le grand comédien français? Oui, évidemment. C'est le papa dans Le Premier Jour de ta vie, par exemple. Voilà. Si vous connaissez pas, vous allez googler et puis peut-être son visage vous peut vous remettre. C'est important d'avoir les images parce que c'est un personnage important dans cette histoire. Voilà. En fait, comme Adrien, vous googlez, vous l'avez devant les yeux. Il y a quelques années, on m'invite pour participer en tant que juré au Nikon Film Festival. Donc, c'est un festival de courts-métrages où les gens balancent des petites fictions sur un thème, je suis quelque chose, etc. D'ailleurs, peut-être Justine Le Potier, c'est ce qui t'a un peu motivé à faire ton court-métrage. T'as participé aussi. Mais pas du tout. Le titre s'appelle Je suis ton père, mais ça n'est absolument pas un Nikon. Ah putain, elle ne court pas. Elle a utilisé un titre avec Je suis, alors que tous les courts-métrages du monde, il y a Je suis maintenant. Je vais te gifler, Justine, pardon. Cyprien, reprends tout. Oui, c'est bien ça, je l'ai devant les yeux et la gêne revient avec moi. Et donc, on propose de participer en tant que juré. Jury, on dit comment? Juré. J'accepte et on me dit le président du jury est Jacques Gamblin, etc. Et ainsi que. Je suis déjà gêné alors que tu n'as pas raconté. Donc, moi, je dis il n'y a pas de souci et tout ça. Donc, le gars de Nikon, il me dit ça va se passer tel jour, vous allez visionner des films et tout. On me file l'adresse, le lieu et tout. Bon. Le matin arrive où on doit aller se rendre dans Paris, dans le centre de Paris, avec tous les autres membres pour visionner des films et leur donner des petites notes et discuter. Je suis un peu en retard. Je m'habille tranquillou bilou, tac tac tac. À l'époque, je faisais pas de vélo, donc je commandais un Uber et tout. Je me dis, putain, je suis un peu late, mais c'est bon, ça se passe bien. J'arrive dans la voiture, et là, une odeur. Oh, non, c'est... Une odeur de putréfaction, un peu, tu vois ce que je veux dire? Ok. Du pu, un truc, mais vraiment, j'étais là, j'ai fait. Dans ma tête, je voulais mettre vraiment moins 10 étoiles au gars, tu vois. Genre, c'est pas possible. J'ouvre la fenêtre et je suis vraiment comme le chien, tu sais, qui par la fenêtre. Pour comme Tom Hanks dans Forrest Gump. Pour essayer de respirer, tu vois. Non, mais vraiment, j'étais pas bien, quoi. C'était quoi cette odeur de merde? Je sais pas, tu vois. Ah, j'ai envie de dégueuler déjà. Ah ouais, non, je suis désolé. Bon, bref. Et en fait. Tu sais, j'essaie, au bout d'un moment, c'est insupportable, tu vois. J'essaie quand même d'identifier c'est quoi ce bordel, etc. L'odeur vient de mon pantalon, ok? Je suis le problème. Tu es le problème. C'est moi. Est-ce qu'on le problème. Entendre la fin? Ah, bah, alors oui. Ouais, bien sûr que oui. Ça me paraît donc évident. Le chauffeur Uber me reçoit, a envie de me jeter, et lui, il va me noter moi 1000 étoiles. Ouais, c'est ça. Ça, il n'y a pas de souci. Odeur de merde. Et moi, je suis là, comme ça, dans ma race. Et je dis. Je vais voir qui là déjà et je peux pas faire demi-tour. Enfin, tu sais, je suis vraiment Keblo où je reçois les SMS du gars. T'arrives bientôt, oui, oui, etc. Je me dis mais comment, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Qu'est-ce que je fais? Je me dis est-ce que j'ai le temps de passer par un H&M ou un truc comme ça? Vraiment pas du tout le temps. Le chauffeur me dépose devant. Je fais bon, ça se trouve si je me mets loin des gens, tu sais, un peu version geste barrière, peut-être ça peut passer et tout, tu vois. Là, je vois tout le monde qui attend dehors, tu vois. Le chauffeur, bon bah merci monsieur, c'est juste là. Lui, ouais, merci, au revoir, tu vois. Je comprends bien que je suis l'embrouille. Je ne comprends pas. Je sais toujours pas pourquoi mon jean pue la merde. Tu ne sais pas? Non. Oh non. Je suis obligé de reparler deux secondes. Je l'ai pris sous une pile de vieux vêtements. Ouais. Donc tu sais, parfois tu mets 2-3 jeans que t'as. Et je sais pas pourquoi. Il a dû avoir, je sais pas, non, mais oui, il a muté pendant plusieurs jours et j'ai pas identifié le truc. T'avais pas chié dedans au préalable. Dis l'histoire en entier. Mais franchement, ça pourrait être une explication tellement l'odeur était insupportable. Tu vois. Vraiment, dites-vous que j'ai ouvert la fenêtre pour sortir ma tête tellement c'était pas supportable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, j'étais le plus proche du problème. C'est ça. J'étais dans le problème. Exactement. J'arrive et donc là je vois tout le monde, journaliste à Télérama, des trucs, etc. Gamblin, je m'approche un peu, c'était une sorte de bar ou je sais pas quoi, et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer derrière, tu vois. Ah salut, moi je suis vraiment en wifi avec les gens, tu vois, je suis vraiment geste barrière de ouf. Déjà ils doivent me trouver bizarre et j'essaye d'être loin de mon jean, ce qui est pas normal, mais je suis debout mais je suis loin de moi-même, tu vois. Okay. C'est très bizarre. Je serre des mains et tout, et les gens discutent, mais moi je suis un peu loin. Genre, tu peux répéter plus fort, tu vois. Je suis vraiment dans une gêne. Je suis vraiment dans une gêne totale. Et là, t'as le gars de Nikon qui me dit bon, bah, on va y aller, on descend. D'accord, de quoi il parle, tu vois. Et là, en fait, on va descendre une cinquantaine de marches pour aller dans une sorte de cave, à un endroit tout fermé, avec un écran un peu grand et des canapes, ok? Je crois que c'est une boîte de nuit ou un petit truc un peu club qui a bref. Et sauf qu'ils l'ont mis en. Et là, je descends les escaliers à chaque marche. Je fais. Oh, ça va être compliqué là, mon pote et tout, tu vois. Parce que maintenant, c'est bon, j'ai dit bonjour. Enfin, tu vois, il n'y a plus de. Au fait, je pue, les gars, je reviens. Complètement oublié de vous dire. À la 30e marche, au fait, je pue la merde. Non, oh, le cours trop tard. On s'installe. Oh, les gars, franchement, en quelques secondes, l'odeur a pris tout. Tout l'air de l'espace. Ok, mon Dieu. C'est comme les rayons du soleil, tu sais, c'est des lignes droites. Bien sûr, bien sûr. L'odeur a pris tout l'espace, et donc là, tout le monde, dont Jacques Gamblin, oh, c'est quoi cette odeur, tu vois. Mais c'était quoi? Mais je veux savoir ce que c'était. C'était, je crois que ça s'appelle le pub Saint-Germain ou un truc comme ça, et donc le proprio ou quelque chose, il fait, ah bah je suis désolé, je comprends pas, pourquoi ça sent comme ça, etc. Moi les gars, je suis en poker face, je dis rien. Bien sûr. Je sais que mon jean a pris tout l'odeur de l'espace, tu vois. Et je dis rien, les gens font « Ah ouais, c'est abusé et tout. » Et là, ils commencent à augmenter la clim. Ils disent « Ok, peut-être ça a été… » Le problème, c'est moi. Les gens discutent, le problème vient de moi à chaque fois, je rappelle. il augmente la clim à fond et tout. Tout le monde dit ouais, un peu plus, c'est pas possible et tout et tout. Il fait pris un peu plus, oui, un peu plus. Il fait moins 1000 degrés dans l'espace. Donc on commence à regarder des films en grelottant presque, tu vois. Et en ayant envie de vomir, accessoirement. Et je sais pas si j'ai bien noté ou pas les films, tellement j'étais pas du tout concentré, tout simplement, tu vois. Je regardais des trucs, mais moi dans ma tête, je fais tu pues la merde, va-t'en, c'est quoi ton embrouille, etc. etc. Tu vois. Tu pues la merde. Les gens grelottent et tout. Donc effectivement, l'air balancé à foison, je savais même pas qu'on pouvait avoir autant de clim. Mais comme c'était un espace boîte de nuit, je pense qu'ils avaient prévu un peu, tu vois. Que les gens qui dans puent. Leur froc, ouais. Pour les gens comme moi, ils disent ils peuvent continuer à danser, tu vois. Il fait tellement froid, vraiment, je suis pas du tout concentré, je fais les trucs et tout. Mais c'est horrible. Il y a une pause, donc tout là, c'est vraiment plusieurs heures qui se passent. Horrible où il fait moins 1000. Et là, il y a la pause déj, tu vois. Et on dit, ouais, voilà, on va manger juste au-dessus. Et là, je dis au gars de Nikon, je fais, oh, j'avais oublié un truc, vraiment, il faut que j'y aille. Mais je reviens juste après le déjeuner, tu vois, pour la suite et tout. Il fait, bon, bah d'accord, comme tu veux. Moi, je suis le premier à partir, genre, bon, bah on va faire une pause, paf, ciao, tu vois, ouais, je suis parti là comme ça. La flèche. Je n'ai pas le souvenir, mais peut-être je reprends un chauffeur Uber. Le même. Très souvent, ma meuf me dit, mais t'es pas très bien noté sur Uber, maintenant je sais pourquoi, tu vois. Il y a 2-0, ouais. Attends, pardon, mais en plus, ils doivent te reconnaître et raconter l'histoire après à leur client, genre, voyons, j'ai eu 6 prix. Franchement, bien chié dessus dans la dernière fois, ils ont une belle odeur de merde. Ils adorent faire ça, les chauffeurs. J'avoue, c'était moi et je pue la merde, tu vois. Voilà. Je rentre chez moi, heureusement, j'avais un jean de la même couleur, tu vois, c'est un truc gris vraiment de base et tout. Ah, mais oui, et je le change. Je crois que je jette aussitôt ce jean. C'est assimilé à trop de mauvais souvenirs et tout. Je le jette et tout. C'est le patient zéro du Covid. Tout a commencé. C'est vrai que c'était pas loin du pangolin. Je m'étais assis sur un pangolin. Et du coup, je reviens tranquille. Ouais, c'est bon, j'ai fait mon petit truc et tout. Et tout se passe bien. Oh, bah c'est bon, on peut baisser un petit peu la clim maintenant. Mais ils ont dû faire le lien, c'est sûr. Encore tu pars, l'odeur. Maintenant que Cyprien s'est barré, sinon ça sent plus la merde. Tu penses que. Moi, on m'a jamais dit si. Là, on m'a pas dit. Genre, y avait une odeur chelou, je sais pas quoi, à cause de toi, tu vois. Vraiment, je sais pas, moi je reviens, on continue à discuter des films, oui, non, on y retourne et on dit non, mais c'est bon, là vous pouvez enlever un petit peu de clim et tout ça, tu vois, tout va bien, le reste était maîtrisé. Dans ma tête, c'était genre, c'est bon, oublie-le, c'est derrière toi et tout, tu vois. Aïe, aïe, bonne suite. Non, mais le climax du moment où tu te sens mal dans tes pompes, dans ton jean de merde à choisir, arrive la remise des prix. Qui se passe dans un cinéma, etc. J'ai plus mon jean, donc vous inquiétez pas. Attends, non, mais c'est un autre jour, ça. Ça arrive des semaines après. Oui, voilà. Okay. Des semaines après, donc nous, on a sélectionné avec des gens, on a discuté avec Jacques Gamblin, qu'est-ce que tu penses de ce film-là. Je me fais 1000 scénarios dans ma tête. Le premier étant Jacques Gamblin, Cyprien, qui a tellement aimé qu'il s'est chié dessus pendant la projection. Donc, je suis bien habillé, etc. Je m'assois au premier rang et tout. Et t'as Jacques Gamblin qui fait effectivement un petit discours au début de la remise de prix. Et son discours porté sur l'odeur. Oh, uniquement. Il a fait un one man de 10 minutes. Non. Sur l'odeur de merde. Il dit oui, voilà, on se rejoint. Et là, l'odeur horrible qui pénétrait tous les sens. Puis la clim, il faisait moins 1000 et tout. Les gens hilar. Moi, les gars, je veux bien être comédien. Moi, j'étais poker face. J'étais là, je fais. Je veux en finir avec cette histoire. Je l'ai laissé. J'imagine avoir juste la voix du truc. Ouais, bah, c'est pas si drôle. Là. Les gars, j'étais premier rang. Il était en face de moi, tu vois. Avec son micro amplifié, avec toute la salle qui rigole. Et je suis le seul, techniquement. Et maintenant, maintenant tout le monde est au courant. Bonheur. Désormais, tout le monde sait que Jacques, si tu écoutes cette petite émission. Il est très fan. Il est très fan. Non, mais c'est bien, faux exorcisme. Il vient la semaine prochaine, d'ailleurs. Alexandre, Unicorn, etc. Tous les gens qui étaient présents dans cette pièce et tous ceux qui. Voilà. Cette édition a été maudite par mon jean, par moi, par plein de mauvaises décisions. Les yeux. Tu fais quoi? Et t'as jamais magnifique. Su que pourquoi il pue autant ce mais non, mais ça c'est horrible, il faut qu'on sache. Je sais avoir pas. Un animal mort qui s'est foutu là-dessous. Mais non, mais comment. Franchement, c'est... j'en sais absolument. Mais décris l'odeur. Non, mais non, mais il devait être humide, il a mais pas non, séché. Mais pas et tu bah, ma meuf mais dit ça, genre pas ouais, ça. Si, non, non, c'est si, pas ça peut être violent. C'est ouais, violent. Et il était violent. Vraiment sous, genre, tout en bas de la pile. Ça, je m'en rappelle bien. Qui était vraiment un peu en bas de la pile et je pense qu'il y a dû un truc qui a muté mais je ne l'explique pas. Non mais peut-être qu'il y a pas, je sais pas, il y a pas un rat qui a pissé dessus ou j'en sais rien. Un rat, c'est, il a pas des rats dans son panier à linge quand bon, même. Bah, on sait alors, pas, on sait pas. C'est une très belle histoire, c'est fait, hein. Et bon. J'aimerais ajouter à cette magnifique histoire, puisque pendant que tu parlais, j'ai fait une petite recherche Google. Il y a des vidéos de cette remise de prix. Non. Bah... Attends, parce que j'avais envoyé un message au gars de Nikon, genre t'as des vidéos de ce truc là? Alors je sais pas si c'est la remise de prix, j'ai l'impression que c'était pas. J'ai peut-être mis une fausse. Non. Bah il a cherché Jacques Gamblin des gueules et il y a vraiment. Non, mais je pense pas. Délibération du jury, 6ème édition. Ah ouais, non, c'est, ah pas... non, c'est pas ça, c'est une interview. C'est ah, je suis désolé. Et tout. Oh. Après, peut-être c'est une interview où t'as Gamblin qui dit ça puait la merde tout le temps, tout le long du truc. Ah non, merde, oui, effectivement, c'est des interviews. Je vois. Mais quoi ? Non, non, mais j'ai envoyé un message au gars de Nikon. Je fais, est-ce que tu as une captation du... Parce que je voulais au moins le réécouter une fois pour me dire à quel. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il avait vraiment raconté là-dedans. C'est comme les serial killers qui retournent sur les scènes de crime. Bien sûr. Le souvenir que j'en ai, j'ai plus du tout les mots qu'il a utilisés, mais je sais que c'est un homme de théâtre, tu vois, et que c'était tellement bien écrit, tu vois. Il a tellement bien raconté. Mais attends, Gamblin a écrit sur toi, c'est génial. Ouais. Il le sait pas qu'il a écrit sur. Il a écrit sur un meurtre, en fait, sur un truc horrible, sur un moment très dur de la vie, quoi. Donc voilà, bah, c'était le pire moment de ma life. Bah, je pense qu'on peut t'applaudir. Mais c'est bien que t'en parles. C'est bien. Jacques, je suis désolé. Est-ce que tu souffres un peu de stress post-traumatique? Non, mais j'en ai parlé à la seconde où j'ai trouvé ma meuf juste après. J'ai fait. C'est bien, faut le j'ai faire. Fait putain, il faut, en pleurant. Raconte, il faut que je te raconte ce qui vient de se passer, tu vois. Et j'avoue, j'en avais parlé à personne avant ça. Et il y a quelques mois sur le tournage de Groom où j'avais raconté un peu cette histoire. Je l'avais pas entendu. Il y avait 2-3 personnes qui sont au courant. Et puis maintenant, les éditeurs. Mon rêve maintenant est de, par n'importe quel moyen, savoir si Jacques Gamblin se souvient de cette odeur de merde l'année après. Sûr, sachant qu'il a écrit un one-man dessus. Il a écrit à 5 minutes. Sachant que Jérémy le croise au Paname régulièrement. En ce moment même, il doit être en train d'en parler. S'il te plaît, je crois que ça s'appelle Alex de Nikon, retrouve-nous ces trucs. Et tu nous les balances. Ce serait très très drôle. Une capta n'importe laquelle, du son, un truc, je sais pas. C'était il y a combien de temps? C'était il y a, je pense, 3 ans. Ouais, 2016, apparemment 2016, 4 ans. Ah, t'as quand même mis 3 ans avant d'en parler. Ouais. Bah, quand t'as le regard de Jacques Gamblin qui est comme ça. la nuit. Et qui te dit putain, ça puait, c'est horrible. Et j'avoue, tu peux plus déclarer, c'est trop tard. Ah, d'accord. Vous aurez fait comment plus... à ma place juste... Ah, non, bah, mais non, mais en plus... Ah, j'aurais menti, j'aurais resté dans le non, déni, le silence. Non, mais encore, si c'est non, genre, mais au moins, t'arrives avec ton jean de merde. Ah, non, tu... moi j'aurais blâmé sur quelqu'un, j'aurais fait, mais ça pue la merde ici. C'est l'odeur. Venez, on enlève tous nos pantalons. Non, mais je dis ça. je dis ça, mais en plus, je l'avais déjà raconté ici. Mais j'ai. Enfin. T'es arrivé la même chose? Moi, c'était, j'étais en primaire et je m'étais sué avec mon slip. Et je m'étais pas débarrassé de mon slip et je l'avais mis dans ma poche. What? C'est quoi? Et j'ai fait j'arrive aux toilettes et j'avais pas de. J'avais 26 ans, moi, quand même, si je peux me permettre. Et en fait, je connais ce truc. Que j'avais pas ton slip plein de merde dans ta poche. Là, ah, je me suis reconnu dans le moment où tout le monde dit ah ça pue. Et toi t'es là, tu peux pas déclarer. Et c'est ce truc là. Non mais vous avez fait quoi? Vous aurez taillé en fait... Genre vous avez fait désolé, il faut que je. Bah, je non, j'ai non, jamais assumé, jamais assumé. Non mais en fait le truc c'est non, si c'est ton t-shirt, tu peux dire bon je suis désolé, je sais pas ce qui ouais. J'ai dû me quelqu'un m'a renversé un truc, je pue. Mais si tu dis mon pantalon pue, c'est tout le monde très se dit sale. Il s'est chié dessus. C'est obligé quoi. Personne va se dire ah bah oui le pauvre il s'est chié dessus quoi. Ouais. C'est obligé. Bah, surtout si d'ailleurs, ça sent la merde. Moi-même là tu nous racontes l'histoire, pour moi tu t'es chié dessus. Non mais ouais, très belle histoire. Après oui, moi j'avais raconté aussi dans le podcast. Moi je me suis pour le coup je me suis vraiment chié dessus. C'était au lycée. Je l'ai raconté par mons et par vos et voilà. Là, moi, clairement... Tu sais pas chier dessus en fait autour de cette table. Et moi pour le coup là j'avais assumé mais j'avais pas le choix. T'es au CPE, t'as 17 ans, tu dis faut que j'entre chez moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh. Tu vas pas inventer un mytho quoi. Comment ça, J'étais malade. Ah, ouais, j'étais malade. Le sale accident. Oui, Flo. Oh, je l'ai pas fait par plaisir le côté. Tu vas venir à 17 ans. Déjà que j'arrivais pas à pécho, je me suis pas chié dessus pour le sport. Pour rajouter un peu de. Je vais être sûr qu'aucune meuf s'approche de moi. Bon, écoutez, merci, merci Cyprien. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Je fais un dernier tour de table pour savoir où est-ce qu'on peut se retrouver. Marjorie, oui. Ta chaîne YouTube, ton Instagram. Oh oui, Marjorie Lenoir, Instagram, TikTok. Attention, je suis sur TikTok. Oh, alors, TikTok. C'est trop jeune. Bien. Oh, mais attends, mais c'est hyper bien. Tu peux faire du playback. Moi, j'aime beaucoup tes vidéos sur YouTube. En tout cas, je tenais à le dire. C'est super bien, très intéressant. Oh, ouais, c'est ouf. Très intéressant. Merci. Et vraiment, tu continues à les faire de toute façon. tu vas continuer. Oui. Sinon, j'ai écrit un long métrage. Si vous êtes une grosse production et également un distributeur, comme par exemple Gaumont, SND ou UGC, n'hésitez pas à me contacter. Après, ils ont tous bossé sur les blagues de Toto. T'as un peu non, validé, mais malheureusement. UGC a déjà dit non. Ça va se régler. Mais bon. Très bien. Voilà. Cyprien ? Donc oui. Toi, 301 vues tous les lundis. 301 vues tous les lundis soirs, mais en vrai, il me reste encore quelques émissions et après, ce sera les vacances petite d'été. Petite pause estivale. Ouais, exactement. Que nous n'allons peut-être pas prendre en juillet. Voilà, je te le dis, on va peut-être enregistrer Adrien plein d'épisodes ouais, en juin. Ouais. Comme ça, je pense qu'on devrait tenir jusqu'à fin juillet, je crois. Ouais. À peu près. Ok, d'accord. On pourra quand même partir en vacances en juillet, mais on aura des épisodes. Oui, ça, je te. Après, franchement, je te paye pas du tout, je te rappelle. Hein, donc vraiment, voilà. Donc ouais, 301 ouais, vues. Ça c'est le truc le plus récurrent, sinon voilà. Un film Nikon peut-être bien l'année prochaine. Je pense que je suis banni à vie de ce truc. Ou en tout cas, pure odeur de merde. Je suis une odeur persistante. Et je pense que même si Nikon ils veulent me réinviter, il y a Jacques Gamblin qui va passer un coup de fil faire on veut plus de cette personne. Terminé. Plus la merde. Plus la merde. Question. Plus la merde. Il a 15 ans maintenant, Jacques Gamblin. Il appelle les gens plus de la merde. Justine le pote-pote. Oui. Justine le potier. Donc on te retrouve. J'ai ton court-métrage qui a été tourné. Qui est, bon, qui est prêt d'ailleurs en fait. Oh bah, il est fini, il est voilà, au chaud. C'est ça. Hein. Tu vas faire le tour des festivals après quand bah, ce sera oui. possible. Bah, en fait, on était à l'Alpe d'Huez, mais ça a été vraiment le seul et le dernier qu'on ait pu faire. Mais oui, ouais. Parce qu'il devait y avoir une avant-première, il devait y avoir un truc, non ? Ah bah oui, il y a un pangolin qui en a décidé autrement, donc voilà. Il sera sur internet. Mais je ah, sais il pas. Sera sur internet quand même ? Et oui, puisque nous avons bénéficié de ce qui s'appelle le CNC Talent. Allez. Donc il y a vocation de promouvoir la culture sur internet, les vidéos sur internet, donc voilà. Avec, entre autres, casting, on peut le dire. Et qui dedans ? Pas moi. Jacques Gamblin. Jacques Gamblin. Y a pas de surprise, juste je te demandais juste de dire le nom de tes acteurs. Je croyais que t'allais dire Paul Scafolio qui jouait dans Les Emmerdeurs. Évidemment qu'on a reçu oui. ici. Et dans Groom saison 2. Rio Vega qui jouait dans Les Grands, dans le Stalk. Oh, regardez Stalk, c'est génial. Très cool Stalk. Voilà. Avec Théo Fernandez. Bah oui. Très grand acteur. Et voilà. Voilà, trop bien. Trop bien. Et bah, c'est le ménage. Oh bah, Guéguette et Raymond, enfin Alors, non, tu reprends ça bientôt ? Alors non, parce que déjà, nous, on avait arrêté les tournages de scène de ménage avant ouais. La pandémie parce que c'est des personnes à risque. Bah, bien sûr, évidemment. Et là, on attend gentiment que ça se remette en place. Bah, bien sûr. Après, il y a 17 000 épisodes. Effectivement, qui peuvent être diffusés, je pense qu'on va donc, faire 8 sketchs. Donc, tu pourrais avoir vraiment ouais, c'est la fou. Fin de l'humanité. Je ça continue encore. Je savais pas que ça se tournait encore. Ah si si ah, bien tu sûr. Rigoles, ah, c'est combien combienième saison ? Elle rigole pas hein, je pense. Ça fait 10 ans, 11 ans, ça ah ouais. fait 11 ans. Non, ça, ça fait 11 ans. 11 ans, c'est incroyable. Quand on vieillit, le temps s'accélère et c'est déprimant. Exactement. Bien sûr. Et aussi rappelons quand même tu as une passion pour les baleines. Justine a fait une interview où on lui dit mais non, mais ce truc est tombé en fait, je ne sais pas pourquoi, ce qu'il aura appris. Moi, je sais plus, une pote m'a envoyé un truc, tiens, t'es dans Pure People et tout, regarde. OK. Et ça commence bien, c'est un petit reportage, voilà. Et à la fin, c'est sachez que la jeune femme est également obsédée par les baleines. Et là, je fais qu'est-ce que c'est d'où ça sort, c'est bizarre. Je fais de la plongée, mais enfin, je suis pas obsédée par les baleines. Et je pense qu'il y a des sites qui reprennent d'autres sites. Je sais pas si c'est des bots ou si c'est bon, bref. Et un truc est sorti sur un site qui s'appelle offside.fr, ouais. Où là, les mecs décrivent de manière complètement fictive ma passion pour les baleines. Comme si c'était un truc complètement taré, où c'est écrit Justine Le Potier qui espère voir des baleines dans la Seine. qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et c'est, bon, hallucinant. Black Mirror. Très étrange, très très étrange. Non, non. J'ai l'impression qu'on parlait pas de moi. Très bien. Jérémy Detlo, eh bien la fiction audio sur Cybèle. Oui, sur Cybèle. Fantasia Story. Fantasia Story. C'est payant, Cybèle. C'est payant. Ça voilà, coûte Cybèle. Un mois d'essai gratuit. Oui. Ok, je vais partir. J'adore. Mais oui, Fantasia Story sur Cybèle. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube. Avec la série Gus. Ouais. Vachement bien. Ouais. Gus, Gus. Voilà. Adrien Méniel, le Twitch game, j'ai envie de dire. Le Twitch game, twitch.tv/AdrienMéniel. Je fais plein de choses, j'expérimente pour l'instant. Voilà, y a plein de trucs, du dessin, de la musique, du gaming, de tout. Tout. J'ai même fait un visionnage commenté d'un épisode de Groom, c'est-à-dire un épisode que j'avais écrit. Donc ouais. je faisais de l'écriture à les anecdotes de tournage, etc. etc. Donc tu regardais, tu faisais pause et tu disais ouais, ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Okay, okay. Et, bonus DVD en live. Non, c'est ça, c'est ouais. vraiment un truc qu'on. Et puis aussi, bon, j'en ai aussi profité pour expliquer un peu le processus d'écriture, les logiciels que tu peux utiliser et tout. Donc je peux aussi faire ce genre de choses. Abonnez-vous. Et sinon, abonnez-vous. SEB à donf. Envoyez des beats. J'ai un Tipeee stream. non, et je joue dans un épisode. Je joue dans un épisode de True Story qui va sortir sur Amazon Prime Video. Avec qui donc? Avec Justine Le Potier. Oui, on a bien rigolé. Ah là là, on s'est bien gelé. Les couilles. Voilà. c'est marrant parce que j'allais dire la touche. Donc tu vois, on a bien. Ouais, voilà. Ouais, on s'est bien gelé. J'ai possiblement attrapé le Covid pendant ce tournage-là. On peut aussi dire très très peu. Il faut savoir que le Real revenait d'Italie à un moment où sa famille oui, est bloquée. Oui, on s'est demandé si c'est de pas lui qui nous l'avait refilé, parce qu'une partie de l'équipe était partie tourner à Venise quelques jours avant. Non, ouais. Vraiment, c'était enfin, il me semble que Venise à ce moment-là, c'était vraiment l'épicentre. Oui, absolument. Je me rappelle avoir vu. Je me rappelle avoir vu Ludoc qui part, enfin qui en revenait. Je me suis dit, mais attends, mais il peut même revenir. Et en fait, je pense qu'ils ont dû fermer les frontières derrière lui. Quoi. Tu as touché avec Ludoc, clairement. Non, mais il y avait d'autres gens dans l'équipe. Il t'a fait une petite bidouille dans le cul. Ouais. On va le dire. Et puis toujours, ça va te plaire, Derby Girl, la série. Bah oui, ça me plaît. Hein. Ils m'ont même pas fait passer le casting. Ça me plaît. Tu sais que ça marche pas comme ça. Les gens t'appellent pas, genre. Non, mais mon agent m'a transmis ce projet-là. Mais après, bon, c'est de ma faute. En vrai, c'est de ma faute, je dis ça, mais je déteste les castings et du coup, je vais pas chercher. Ah, plus que ça. Bah voilà. Mais t'as fait un casting, toi? J'ai fait une tape, oui. Et bah voilà, tu partis pas dedans. Taper. Non, mais je fais pas, je danse par contre. Non, mais. Non, mais c'est pas une tape. Ça sort quand ça a l'air super. Pardon, Thibaut une tape. Oui. Allez. Arrêtez de vous toucher là. Mais c'est j'ai fou, envie là. D'écrire c'est... un truc sur le patin, mais du coup je me dis ah bah il y a eu Derby Girl. Ouais, mais tu ah bah s'il y a eu ça, on peut mais plus. C'est ouais. Ça. Il y a le film mais de Drew Barrymore aussi. Il y a plein de choses. Il y a le film de Drew Barrymore aussi sur le ah, patin. Ah oui, c'est vieux ça. Non, non mais je veux dire il y a plein de sujets. Charlie Angels 2. Elle a des patins. Oui, bien sûr. Et ça sort quand ça Derby? Eh ben je ne sais pas, absolument pas. Déjà, ça fait un an et demi qu'on le tease dans cette déjà avant. Ça a l'air sympa en tout cas. Oui, il est sorti, oui, c'est vrai. Bah, déjà, avant le Covid, ils disaient, ouais, on sait pas trop comment. Ça... Là. Il y a un diffuseur quand même. Non, mais c'est sur Slash. Enfin, je veux dire, oui. c'est tourné. C'est... Ils voulaient attendre l'été, maintenant, je sais pas, j'en sais rien. À l'époque, on disait, ça va sortir en juin. Je disais, oh, mais ça attend trop longtemps. Et là, du coup, ça ne va clairement pas sortir en juin. C'est des épisodes courts, c'est des épisodes longs. C'est 20 minutes. Okay. C'est 10 fois 20-22 minutes. Un peu comme Groom, quoi. Ouais. Exactement. Trop bien. Voilà, et je crois que c'est. Bah, et puis toujours Groom saison 1 et 2 gratuit sur bien sûr également sur YouTube normal sur YouTube tout simplement bah écoutez merci beaucoup merci à toi merci. Je n'ai pas eu le temps de voir la vidéo mais Cyprien vraiment il y a un truc qui s'appelle remise de prix Nikon Film Festival non. Était avec un micro alors c'était un best-of mais ça dure 6 minutes 31 moi j'ai un micro. Toi, t'as un micro c'est dans les mains. C'est Jacques Gamblin qui a un micro qui non. Est intéressant. Oui je sais mais bon j'imagine qu'il y a Jacques Gamblin ça dure 6 minutes 51. Et je sais pas, j'ai peur que ce soit un montage et qu'ils aient coupé, mais il y a Jacques Gamblin avec un micro. Voilà. je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt. Nous, on revient avec Adrien très vite, puisqu'on doit sortir un podcast sur le film Balle perdue de Netflix qui doit sortir bientôt. Et donc, on va faire une émission avec l'équipe du film. Ça va être délicieux. Voilà. Passez une très bonne soirée. Au revoir tout le monde. Ciao. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.